Et voilà, donc on va laisser maintenant la parole à Ufologie Dynamique, qui va nous faire une présentation sur l'ufologie française et les pans. Et ensuite, on aura une autre partie où on fera un échange de questions-réponses avec la commu. Et enfin, on fera un débat ouvert entre nous qui ne sera pas enregistré. Voilà, donc Ufologie Dynamique, je te laisse la main. Et puis merci d'abord de commencer par te présenter et nous faire cet exposé ce soir. Eh ben merci à vous et merci à tous de m'accueillir. Merci à l'After Faking pour cet exposé sur l'ufologie. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai 54 ans. J'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes aériens non conventionnels dès l'âge de 13 ans. En effet, si vous voulez, mon père s'était intéressé en fait à l'ufologie dans les années 60-70. J'ai donc, après son décès, hérité de sa bibliothèque à l'âge de 20 ans. En 2005, donc, j'ai décidé de créer l'association Ufologie Dynamique dans le but de retravailler la question pour une approche plus agnostique, loin du sensationnel. Donc, travaillant sur une nouvelle méthode de langage vis-à-vis des médias et de la sphère intellectuelle. En effet, je pensais en fait que l'ufologie en fait était quelque part, comme le disait l'ancien ingénieur au sein du GIPAN, au Centre National d'Études Spatiales, l'ufologie était malade de ses ufologues. Donc, j'ai créé en 2006, été le premier initiateur en France des premiers cafés ufologiques dans le cadre des cafés littéraires Les Yeux d'Elsa au Havre. Et le but était de sensibiliser le milieu universitaire et intellectuel sur la question des pans. Et en 2017, je deviens membre de l'Académie d'ufologie initiée par Monsieur Causan, un ingénieur. Je deviens correspondant pour la revue ufologique Ufomania, donc dirigée par Didier Gomez, écrivain et rédacteur en chef de cette revue qui n'existe plus maintenant. Et je propose donc plusieurs articles, en particulier sur la communication en ufologie. En 2008, j'anime les repas ufologiques à Brest sous l'égide de Monsieur Gérard Lebas, donc en réalisant entre autres une soirée très médiatisée avec la présence du pilote français Air France qui avait été témoin d'un phénomène Jean-Charles Dubocq. Après plusieurs télévisions régionales, bon bah voilà, j'ai fait pas mal d'articles en fait, plutôt des articles locaux. Et on a réalisé en équipe un certain nombre d'enquêtes sur le terrain. Je deviens ensuite le directeur régional pour le MUFON France, sous l'impulsion de l'Américain John Tomlinson. Et j'ai pu rencontrer donc Jacques Patenay, ex-directeur du GEPAN à l'époque. En 2014, j'ai quitté donc la vie associative, me concentrant plutôt sur ma vie personnelle, mais je n'ai jamais quitté, en fin de compte, l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors cet exposé, c'est un exposé qui va être en fait en deux parties. Au départ, nous allons nous intéresser aux études américaines et françaises, les grandes études officielles, hein. Ensuite, on parlera de l'actualité. Ça va en fait nous plonger, si vous voulez, à la suite de cette présentation aux États-Unis, ça va nous plonger sur l'actualité américaine, donc là actuelle en ce moment, puisque aujourd'hui il y a énormément de choses qui se passent aux États-Unis. Donc, on va commencer par l'aspect historique, aussi un petit parti consacré à l'aspect testimonial, et ensuite on finira vraiment par l'actualité, donc en ce moment assez bouillonnante, on peut dire, sur la question, en particulier aux États-Unis, mais ça a des répercussions au niveau mondial, du moins du point de vue scientifique. Donc, voilà. Alors, les études américaines. Alors, le premier projet de recherche d'envergure du gouvernement américain sur les ovnis, ce fut le projet Stein. Le projet Stein, il a été créé sous l'impulsion du général Nathan Twining, suite à une vague d'ovnis appelée soucoupe volante. Alors, on va revenir justement sur ce terme soucoupe volante qui est un peu galvaudé, et on va pouvoir faire juste un petit aparté historique sur ce mot, en fait, soucoupe volante, et qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi il était popularisé et très médiatisé. Donc, ce projet Stein est né suite à l'observation de Kenneth Arnold en juin 1947. Ce qui se passe par la première observation, enfin qui passe par la première observation médiatique, voilà, qu'on a appelé en fin de compte soucoupe volante. Il rapporte avoir vu, lui, qui est pilote, neuf objets volants inhabituels près du mont Rainier alors qu'il effectuait un déplacement donc à bord de son avion privé. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le journaliste Bill Beckett rédige un petit article qui paraît dans l'édition du journal L'Est Oregonian et il adresse une dépêche à l'Associated Press à Portland. Mais le problème qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une controverse, en fait, en ce qui concerne le mot soucoupe volante. En effet, Kenneth Arnold, au téléphone, parle en fait d'objets qui ricochent comme des soucoupes. Et c'est le journaliste Bill Beckett qui va reprendre en fait ses dires en parlant de soucoupes comme ça ricochait comme des soucoupes. Lui, il a interprété ça comme des soucoupes volantes. Et en fait, le mot soucoupe volante vient bien de Bill Beckett, du point de vue historique. Et ensuite, c'était popularisé par le magazine Face, cofondé par Ray Palmer, qui était rédacteur en chef de Amazing Stories, et Curtis Fuller, et qui sortirent en fin de compte une édition inaugurale du magazine qui présentait justement Kenneth Arnold. Alors, c'est un magazine ce numéro est très connu, c'est le premier, puisqu'en fait, la couverture du magazine nous fait part justement d'observation de Kenneth Arnold. Donc, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. L'observation d'Arnold a marqué le début, en fait, si vous voulez, de l'ère moderne des ovnis, et son histoire a propulsé le magazine vers une connaissance nationale. En fin de compte, le magazine ensuite a été extrêmement connu aux États-Unis. Alors, je voulais juste faire un aparté par rapport à 1947. Il faut savoir que les premières observations officielles ont été effectuées en 1943 par le Bureau des standards de l'US Air Force. Ce fut en fait la véritable première enquête officielle en 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, des pilotes avaient aperçu ce qu'on appelle des Foo Fighters, des espèces de sphères lumineuses. Et donc, les pilotes américains pensaient qu'au départ, c'était des engins allemands. Ils ont rapporté, en revenant en fait d'opération, ils ont rapporté ça à l'US Air Force. Et c'est un bureau qui s'appelle le Bureau des standards qui a fait des premières enquêtes. En fait, les premières enquêtes officielles, c'est en 1943 et non en 1947. Voilà, donc ça c'est pour resituer véritablement la recherche aux États-Unis. Aujourd'hui, ces documents sont déclassifiés en FOIA, c'est-à-dire Freedom of Information Act, donc la liberté sur l'accès à l'information, et on peut tout à fait trouver ce genre de documents dans les archives nationales américaines. Donc, en 1952, donc pour le petite anecdote, en 52, donc Kenneth Arnold publie The Coming of the Saucer en compagnie de Ray Palmer, encore une fois, donc le rédacteur en chef de magazine de science-fiction populaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux projet, pour revenir au projet Sign? Twining lui écrit dans un mémo secret de 1947. Il dit que, et c'est noir sur blanc avec signature du général, il dit le phénomène rapportait quelque chose de réel et non une vision ou un canular. Il y a des objets ayant approximativement la forme d'un disque d'une taille suffisamment importante pour sembler aussi grand qu'un appareil humain. Il est possible que certains des incidents puissent être causés par des phénomènes naturels tels que des météores. Il explique en plus dans le mémo les caractéristiques opérationnelles rapportées, telles qu'une vitesse ascensionnelle extrême, la manœuvrabilité, des manœuvres qui doivent être considérées comme évasives face à des avions ou radars amicaux, portent à croire à la possibilité que certains objets sont contrôlés manuellement, automatiquement ou à distance. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ils ont signé le mémo signé par un général de renom, ils ont accordé tout à fait du crédit à l'observation au sol, l'observation de pilotes civils et militaires, pour la bonne et simple raison qu'ils se sont dit que les Russes, les Soviétiques à l'époque, nous étions en fait après 1945 forcément, au début, même à peine en 47, début de la guerre froide. Et en fait, ils se sont posé la question, les Russes sont pas assez peut-être intelligents pour pouvoir concevoir ce genre d'engin. Donc, comme ils n'avaient plus d'autre solution que ça, Nathan Twining ainsi que son équipe ont décidé tout simplement de valider comme quoi ces objets en fait n'appartenaient pas à notre planète. C'est pour ça que c'est très important de souligner, parce que vous allez voir à la suite de ça, il va y avoir beaucoup de changements au sein de l'US Air Force, en particulier le positionnement. Voilà, tout simplement. Donc la proposition de Twining est approuvée par le gouvernement le 30 décembre 1947. Le projet STEIM débute le 22 janvier 1948 sur la base aérienne de Wright Patterson dans l'Ohio. Il est placé sous le commandement du capitaine Snyder. Bien que le projet ait été classifié d'accès restreint, son existence est connue du grand public maintenant, donc sous le nom de projet Soucoupe. Alors, il a été dit que le personnel de ce projet était probablement le plus talentueux groupe d'études sur les ovnis, jusqu'à ce que l'Air Force ait fini ses recherches en 69, ça nous y reviendrons. Donc, voilà comment que ça se passe. Alors, au fil des enquêtes, le personnel de Stein perdit peu à peu le scepticisme initial face à nombreux cas troublants inexpliqués. En effet, il y avait en fait, au sein du projet Stein, forcément, les pour et les contre. Et donc, vis-à-vis en fait de l'accumulation de témoignages, il y en a qui ont perdu leur scepticisme. Donc, petit à petit, l'idée que certains de ces ovnis pouvaient être d'origine extraterrestre fut admise par les experts du projet. Nous avons des documents signés de la part de très hauts responsables, comme quoi ils valident l'hypothèse extraterrestre de ces engins. Alors, ce qui est quand même au départ impressionnant. Alors, pour les ufologues, c'était la preuve, hein, la preuve ultime que les militaires donc valident, parce qu'ils n'ont plus d'autre choix, valident donc l'hypothèse extraterrestre, parce que ce ne sont pas, bien sûr, les soviétiques, l'ennemi après les Allemands, ce fut les soviétiques, donc lors du début de la guerre froide, ce n'était pas possible, hein, que ce soit les Russes, et ni les Chinois, ni une autre nation. Donc, il valide, en fait, tout simplement, l'hypothèse extraterrestre du phénomène. Alors, ce rapport, donc, fut rejeté ensuite catégoriquement par le général Vandenberg, d'autant plus qu'un groupe de scientifiques sceptiques avait rédigé un autre rapport aux conclusions inverses. Donc, il y avait les pour et les contre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Cependant, malgré ce rejet, les scientifiques de Stein continuèrent leur étude du phénomène, ce qui confirma en fait, si vous voulez, leur première conclusion sur l'origine extraterrestre des ovnis. C'est alors que le général Cable demanda au personnel de Stein de rédiger un nouveau rapport, lequel devrait exclure l'hypothèse extraterrestre. Il rendit un rapport qui ne fut pas aussi explicite que le premier, mais qui sous-entendait la même conclusion. C'est alors qu'en décembre 1948, le projet Stein fut dissous et remplacé par le projet Grudge, composé de scientifiques ne croyant pas à l'hypothèse extraterrestre. C'est-à-dire que là, nous allons avoir en fait entre les deux projets un changement radical de communication suite en fait aux observations et le projet Stein. Il va y avoir en fait, et c'est là en fait qui va naître en fait les premières théories en fait du complot, hein, dans le domaine de l'ufologie. Parce que ce changement radical va pousser en fait tout simplement des chercheurs et va créer de nouveaux chercheurs qui vont se dire bah ils étaient quand même sur une position favorable et aujourd'hui ils ne le sont plus. Donc du coup, ça va favoriser la théorie du complot, ça c'est d'un point de vue sociologique. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Donc entre-temps, il y avait un personnage haut en couleur qui a marqué l'histoire de l'ufologie américaine, c'est Hynek, l'astronome John Allen Hynek, donc un scientifique de renom, donc qui était en fait qui est devenu consultant pour de l'Air Force, chargé de démasquer les cas de confusion avec des objets astronomiques connus comme des météores. Voilà, on a eu aussi la planète Vénus, on a eu le gaz des marais, enfin il y avait pas mal de choses comme ça qui sortaient pour expliquer en fait tout simplement les cas. Donc au début, Hynek était sceptique. C'était en fait un astronome sceptique, un scientifique. Donc il ne croyait pas du tout qu'il y avait ce genre de choses. Il pensait que toutes ces apparitions pouvaient s'expliquer par des confusions, des canulars et des phénomènes naturels ou avec des avions. En 1948, il déclara même que ce sujet entier semble ridicule et qu'il s'agit d'un phénomène de mode qui s'éteindrait bientôt. Mais voilà, cependant, après avoir examiné des centaines de témoignages, dont beaucoup émanaient de témoins crédibles, tels que des astronomes, pilotes de chasse, policiers, officiers militaires, sa croyance s'effrita. Il commença à douter, à réviser son opinion, il déclara. En tant que scientifique, je dois être conscient du passé. Trop souvent, des sujets d'une grande importance scientifique ont été négligés, car le nouveau phénomène sortait de la norme scientifique du temps. L'opinion de Hynek changea également après qu'il interrogea ses collègues astronomes, dont le célèbre Clyde Tombaugh, le découvreur de la planète Pluton. Sur 44 astronomes, 5, c'est-à-dire un peu plus de 11%, avaient déjà vu des phénomènes aériens qu'ils n'avaient pas pu expliquer avec la science conventionnelle. La plupart n'avaient rien signalé par crainte du ridicule et de répercussions sur leur carrière. Bah oui, parce que dans le milieu scientifique, surtout à l'époque, et d'ailleurs ça existait tout au long des décennies qui ont suivi, que ce soit aux États-Unis mais même en France, le sujet OVNI c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Et effectivement, c'est un peu comme les pilotes. Alors aujourd'hui, les pilotes, ils rédigent des rapports spécifiques à ça, mais avant, il ne fallait pas témoigner, et les scientifiques, il ne fallait pas qu'ils en parlent entre eux, parce que ça pouvait être un risque pour leur carrière, effectivement. Donc, Hynek a également noté que cette proportion de 11% de phénomènes non identifiés était plus importante que dans les études portant sur les observations faites par la population générale. Donc, un pourcentage supérieur. En 1969, donc, cet astronome est congédié du projet Blue Book, puis on va y arriver tout à l'heure, et se consacra désormais à l'étude des OVNI via des associations. Il fut également, dans les années 60, le mentor et ami d'un célèbre Français, qui se nomme Jacques Vallée. Voilà. Alors donc, fin du projet Sign. Et nous allons passer au projet Grudge en 1949. Alors, il y a une anecdote à propos du projet Grudge qui veut dire projet rancœur. Alors, beaucoup se sont posé la question rancœur. Et certains d'entre nous sommes d'accord pour penser que le nom rancœur est dû à un cas d'un pilote qui est décédé suite à la poursuite d'un ovni. C'était le cas Mantell, le cas Thomas Mantell. Il aurait poursuivi avec son avion, donc un ovni. Il aurait été trop haut, son avion, son réacteur se serait éteint, il aurait perdu en fait de l'oxygène, etc. Et l'avion se serait crashé. Et en fait, certains pensent que justement ce projet Rancœur est né justement du décès de Mantell lorsqu'il poursuiva supposément, on va dire, un phénomène aérien à très haute altitude. Donc le projet Grudge fut la seconde étude officielle du Air Force, donc il a été cherché d'étudier les phénomènes OVNI entre 1949 et 1952. Le projet dirigé par le général Cabell fut très controversé en raison d'un certain nombre de debunking douteux. En effet, effectivement, il y avait pas mal de rapports qui arrivaient, mais ils avaient tendance à expliquer les rapports, du moins les expliquer un peu trop rapidement, contrairement au projet Stein. Alors certains y virent une tentative de désinformation. Alors là, nous rentrons dans un changement de positionnement vis-à-vis de l'ufologie, vis-à-vis des premiers chercheurs, c'est-à-dire que là, on va se trouver face au début aux théories du complot, c'est-à-dire que la théorie du complot va naître non pas parce que les gens ont inventé une théorie du complot, tout simplement va naître sur le fait qu'on ne divulgue plus assez d'informations alors qu'on le faisait avant. Du coup, ça a émis un doute dans la tête des gens et même parmi le public, parce que le public se disait bon voilà, on nous en parle, c'est très bien, mais là on nous en parle plus et puis on nous explique tout. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a une espèce de théorie qui va naître. Donc, le fameux « on cache tout, on nous dit rien ». Et donc, du coup, bah, les gens vont commencer véritablement à douter des travaux en fait du département de la Défense sur la question. Donc, comme Sign, Grudge avait établi que la majorité des cas d'OVNI étaient dus à des méprises. Mais là où les enquêteurs du projet Stein admirent l'existence de cas mystérieux, ce qui est parfaitement authentique, les enquêteurs du projet Grudge, eux, affirmèrent que tous les cas non identifiés étaient probablement causés par des phénomènes connus ou des fabulations, c'est-à-dire des canulars, etc. Donc le projet de Grudge rendit un rapport dans lequel le personnel de Grudge rendit un rapport dans lequel il fut inscrit que toutes les analyses indiquent que les observations OVNI résultent 1. D'une méprise avec des objets conventionnels. 2. D'une forme d'hystérie collective et de nervosité. 3. D'individus qui inventent ces observations pour faire des canulars. ou se rendre intéressant. Et en 4, des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Alors, il fallait faire extrêmement attention dans certains milieux, parce que lorsque le projet Grudge est sorti, lorsqu'ils ont mis en place Grudge, il fallait faire extrêmement attention à ce qu'on faisait une certaine période. Les gens qui... Le problème qui se passait, c'est que les gens ne voulaient plus témoigner. En fait, ils se retrouvaient, en fait, tout simplement, ils avaient peur de témoigner, ils se retrouvaient face à un mur. Et puis, d'un point de vue sociologique, c'était assez inquiétant, du moins, du point de vue de la société, c'était inquiétant, parce que des gens qui voyaient des choses non conventionnelles ou qui supposaient voir des choses non conventionnelles et qui voulaient quand même témoigner, ne pouvaient plus le faire. Parce que, automatiquement, il y avait une espèce de forme de discrimination, hein, organisée, effectivement, bah, les gens n'avaient plus envie de témoigner. Donc, en fait, c'est le problème qui s'est passé, c'est qu'ensuite, en fait, il y avait peu de témoignages, puisque plus personne ne voulait témoigner. Donc, comme le soulignait en 56 le futur chef du projet Blue Book, Edward G. Ruppelt, dans ce livre intitulé « Identifying Flying Object », à propos du projet Grudge, il disa « Après le changement du nom du personnel, vint le changement d'objectif, clairement affiché, qui était de se débarrasser des ovnis. Ce ne fut jamais écrit nulle part, mais il ne fallut guère faire d'efforts, du moins, pour voir qu'il s'agissait là d'un véritable objectif du projet Grudge. Ce but inavoué transparaissait dans chaque mémorandum, rapport ou directive. En effet, c'était balayer absolument le fait, du moins le fait testimonial, c'est-à-dire que s'il y a des faits qui étaient rapportés, il fallait absolument les expliquer, voire complètement mettre, si vous voulez, à la poubelle les dossiers. Donc le lieutenant Jerry Cummings, nommé responsable du projet Grudge au début de l'été 51, déclara « Tout le monde se moque des enquêteurs de Grudge ». Leur seule activité consiste à proposer des explications nouvelles ou originales pour plaire à Washington. En fait, c'est quand même, quelque part, il y avait une influence politique, du moins de décideurs politiques, ils ne voulaient pas entendre parler, tout simplement. Donc l'astronome américain Hynek, une fois devenu partisan de l'hypothèse extraterrestre, critiqua Grudge pour les mêmes raisons. Ce dernier avait cherché d'expliquer une partie des ovnis par des confusions avec des étoiles ou des planètes, ce qu'il ne put bien sûr pas toujours faire. Néanmoins, certains y voient un moyen pour lui de rendre responsable sa hiérarchie des erreurs qu'il put commettre dans ses enquêtes. Et voilà. C'est pour ça que le projet Grudge est généralement en fait perçu par les ufologues défendant l'hypothèse extraterrestre comme une opération de debunking. Enfin, en fin de compte, il y a certains chercheurs, alors là c'est plutôt dans le domaine des renseignements, qui ont pensé en fait c'est une opération psychologique, une opération, ce qu'on appelle des opérations psy-op, hein, qui sont effectuées aux États-Unis, malgré que les directives américaines interdisent les opérations psy-op sur leur propre population, mais le font sur d'autres populations. Ça, c'est dans le domaine des renseignements. Et il est possible que, théoriquement, qu'une opération, que le Grudge soit en fait tout simplement une opération psy-op. Et de debunking visant à désintéresser la population des ovnis. Voilà, fin. Donc pour le projet Grudge. Nous passons maintenant au projet Blue Book, troisième projet de recherche du gouvernement américain. Donc malgré quand même le projet Grudge, malgré le fait que le phénomène soit inintéressant pour le gouvernement et inintéressant pour les services de la défense, ils ont quand même créé un autre projet, le projet Blue Book, qui sera le plus gros projet. En 51, suite à une importante vague d'observations d'OVNI, l'armée décide de relancer le projet avec plus de moyens et de sérieux. Donc là, c'est toute une équipe. Donc, le projet Blue Book est une commission mise en place de l'Air Force afin d'étudier et d'enquêter sur le phénomène OVNI. Cette commission fut créée en 52 et resta en activité jusqu'en 69. C'est le 12 avril 52 que commença le projet Blue Book, dirigé par l'infatigable capitaine Edward G. Ruppelt. Cette commission se divisera en une section d'études, une investigation, un agent de liaison, et avec le Pentagone et des consultants scientifiques civils. Des observations d'OVNI extrêmement médiatisées se multiplient au cours de l'année 52. Les autres sphères du gouvernement commencent à s'intéresser de près à ce phénomène et décident d'accentuer l'investigation dans ce domaine. En septembre 1953, le capitaine Ruppelt démissionne de son poste. Il publiera en 1955 « The Report of Identifying Flying Objects », livre relatant les cas les plus significatifs qu'il avait pu traiter au sein du projet Blue Book. En mars 1966, une observation d'OVNI extrêmement médiatisée et les prises de position très sceptiques de l'US Air Force amènent plusieurs scientifiques civils du projet à prendre publiquement parti pour la réalité du phénomène OVNI. Effectivement, il y a une partie des scientifiques qui se sont dit « Bon, écoutez, Il y a quand même des faits qui sont rapportés par les pilotes civils et militaires. Il faudra peut-être un petit peu qu'on s'en occupe, c'est le rôle du scientifique. Et donc, contre la position officielle du projet Blue Book, pourtant. Cette divergence amèneront le gouvernement américain à commanditer un autre projet. Alors, c'est un rapport à l'intérieur du projet Blue Book en 69, le rapport d'experts auprès du docteur Edward Condon de l'Université du Colorado afin d'établir ou non la réalité du phénomène OVNI. Donc, le rapport Condon conclura que les OVNI n'existent pas et que tous les témoignages reposent soit sur une méprise avec des phénomènes naturels, soit sur des hallucinations, et que toute recherche scientifique dans ce domaine ne présente aucun intérêt. Le projet Blue Book sera donc officiellement dissous en décembre 1969, et cessera toute activité en janvier 1970. Lors de sa création officielle, en 1952, il faut le savoir, l'objectif du projet Blue Book était de trouver une explication pour l'ensemble des témoignages et des rapports d'observation, déterminer si les ovnis représentent une menace pour la sécurité des États-Unis, et déterminer si les ovnis présentent une technologie avancée que les États-Unis pourraient exploiter. Logique. À cela va s'ajouter un rôle de porte-parole gouvernemental qui obligea à de nombreuses reprises le projet Blue Book à délaisser l'objectivité scientifique pour répondre à des considérations en fin de compte plus politiques. Le projet Blue Book étudia 12 618 cas, retint 3201 cas pour l'analyse statistique. Sur les 3201 cas retenus pour l'analyse statistique, il ressort que des cas avérés mais inexpliqués représentent à peu près 22% de l'ensemble, et que ce taux atteint 38% pour les rapports faits par des observateurs militaires qualifiés, comme par exemple les pilotes, les contrôleurs et services de sécurité. Les archives du projet Blue Book comprennent 8360 photos, 20 bobines de film, ce qui représente 6h30 de film, 23 enregistrements audio d'interviews de témoins, conservés jusqu'en 1974 dans les archives de l'US Air Force. Les archives du projet Blue Books donc sont stockées depuis 1976 aux archives nationales américaines, après qu'on ait censuré tous les noms des témoins. Alors, il faut savoir que vous pouvez aller au service aux archives nationales américaines. Et puis, vous allez en fait dans la, vous tapez UFO ou dans la section consacrée justement au phénomène, et vous pouvez avoir accès à l'ensemble de la documentation qui a été forcément expurgée, hein, pour les noms qui a été en fait anonymisé, et vous pouvez avoir accès à beaucoup de documents, énormément d'ailleurs. Je crois qu'il y a pour l'instant 7840 documents accessibles. Donc vous pouvez bien sûr y avoir accès et vous pouvez même les traduire. Voilà, alors jusque-là, plus rien. On s'arrête, les projets s'arrêtent et nous avons aucun projet pendant plusieurs décennies. Alors entre deux, il y a en 1980 quelque chose qui va se passer. Il y a un livre qui va sortir, qui va s'appeler en fait le crash de Roswell, enfin, qui va parler d'un crash à Roswell, qui avait lieu en 1947. Voilà, c'était sur le champ du fermier de McBrazel. Et donc, il faut savoir que ce crash de Roswell, il faut savoir qu'en ufologie, il y a une grosse erreur qui est faite, c'est qu'en fait, les gens pensent que le crash de Roswell, c'est celui qui annonçait en fait l'étude des ovnis et la médiatisation des ovnis. C'est absolument faux. En fait, tout simplement, le crash de Roswell a été totalement insignifiant jusque dans les années 80 avec la sortie du livre de Moore. Et lorsque le livre est sorti, des enquêteurs se sont dépêchés de faire des enquêtes pour aller chercher le maximum de témoins qui étaient encore en vie et rechercher des éléments, de la documentation, demander en fait au gouvernement de déclassifier certains documents concernant ce cas. Et entre deux, il y a eu le crash de Roswell. Mais le crash de Roswell, en fait, quelque part, c'est une des pierres angulaires qui, en fait, au départ, était totalement insignifiante. Parce que le vrai cas, le véritable cas, c'est celui de Kenneth Arnold en 47. Et de 47 à 1980, on n'a jamais entendu parler du crash de Roswell. En fait, le crash de Roswell, qu'est-ce que c'est? C'est quelques lignes dans un petit journal, un tout petit rapport, c'est tout. Et en 1980, le livre de Moore sort, et de l'écrivain Moore, et le projet sort en fait tout simplement comme champignon après la pluie, et va quelque part devenir presque une mythologie au travers de l'histoire, de l'historique de l'ufologie, alors que tout simplement que le cas était à la base très peu connu. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était l'aparté par rapport à Roswell. On ne va pas s'arrêter sur Roswell, hein, c'est pas le but de cette soirée, mais effectivement, ce n'est pas le cas principal. Alors qu'aujourd'hui, c'est un cas qui a été extrêmement popularisé au travers de la pop culture, au travers des séries, au travers du cinéma, comme Independence Day, etc. Donc il y a eu vraiment X-Files, la série X-Files en particulier. Donc effectivement, beaucoup pensent que c'est l'histoire qu'a annoncé l'affaire médiatique des ovnis, puis en fin de compte, pas du tout. Voilà. Alors, donc, nous revenons donc à la fin du projet Blue Book, et puis, plus rien pendant des décennies, et nous arrivons en 2017. Alors, beaucoup vont se dire, oui, mais il s'est passé quoi entre 1970 et 2017? Eh ben, je vais vous le dire, il s'est rien passé. Tout simplement, il ne s'est rien passé. Il y a eu le gouvernement, enfin le DOD, le département de la défense américain, le gouvernement, ont été pressés de dire, enfin ont été pressés par des ufologues, par des poursuites, par des demandes de déclassification de documents, pour leur demander s'ils continuaient à étudier les ovnis. Et à chaque fois, la réponse du département de la défense, non, non, les ovnis ne nous intéressent pas, soit ça n'existe pas, ou soit ils ne sont pas un danger pour la sécurité nationale. Alors souvent on a des réponses comme ça, hein, qui sont absolument déclassifiées, et on a aussi des réponses des lettres publiques, comme quoi ils disent ça ne représente pas un danger pour la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que ça n'existe pas, ils disent que ça ne représente pas un danger pour la sécurité nationale. Et c'est quand même deux choses différentes, hein. Il faut bien faire en fait la distinction entre ces courriers. Donc nous sommes en 2017, nous arrivons donc pas très loin de 2023, nous avons l'ATIP. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, donc ATIP, en français c'est Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, est une enquête secrète financée par le gouvernement des États-Unis visant à étudier des objets volants non identifiés. Le programme a été rendu public le 16 décembre 2017 grâce à une enquête et un article du New York Times de la journaliste Leslie King. En effet, elle a investigué depuis un très long moment sur les faits rapportés, et elle avait en fait des liens avec certains sénateurs, et elle a pu en fait continuer son enquête et a découvert qu'il y avait en fait un organisme qui s'occupait des ovnis. Alors, le programme a débuté en 2007 à l'US Defense Intelligence Agency, donc la DIA, avec un financement de 22 millions de dollars sur 5 ans, ce qui est peu. Avouons-le, ce qui est peu. 22 millions de dollars sur 5 ans, c'est vraiment pas grand-chose aux États-Unis, sachant que cet organisme était en fait rattaché directement au Pentagone, donc jusqu'à la fin des crédits disponibles en 2012. Alors, l'organisme aurait pris fin en fait, à ce moment, selon le département de la défense des États-Unis, en 2012. Mais le New York Times, encore une fois, affirme que le projet semble avoir continué. En effet, ils ont poussé encore les investigations, les journalistes du New York Times, et cela est confirmé en juin 2020, lorsque l'existence d'un programme militaire similaire, nommé Identifying Aerial Phenomenon Task Force, non classifié, mais jusqu'alors inconnu, et reconnu aujourd'hui, puisqu'on peut trouver la documentation sur ce groupe. Alors, il y a une anecdote. À la fin du point de la ATIP, l'ex-directeur de la ATIP, Luis Elizondo, se joint donc à un groupe de professionnels intéressés pour poursuivre ses efforts au travers d'une entreprise civile à but public qui s'appelle To The Star. En fait, c'est To The Star Academy Art of Science, donc on l'appelle To The Star. C'est une entreprise cofondée par Tom DeLonge, guitariste de Blink 182, et un ingénieur Harold Puthoff et Jim Semivan, un ancien agent du renseignement de la CIA. L'entreprise est composée d'une division aérospatiale, scientifique et de divertissement. Donc en fait, c'est un peu, si vous voulez, un mélange entre des recherches qui sont faites sur la question, mais en même temps l'aspect divertissement, c'est-à-dire la production de documentaires, la production de clips sur la question, etc. Voilà. Donc jusque-là, To The Star continue donc après les révélations qu'on a eues sur le New York Times, To The Star donc continue à faire de la publicité, continue à essayer de prendre contact avec des anciens militaires, etc. Et donc on n'entend plus parler de To The Star. Donc suite en fait à un probablement indifférent. donc interne. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, la pression augmente après les déclarations de New York Times sur la création en fait d'un organisme chargé de la recherche sur les ovnis. En même temps, en 2017, trois vidéos sont authentifiées par l'armée américaine. Donc, l'US Air Force authentifie trois vidéos de films, en fait, représentant, si vous voulez, dans le contexte qu'on appelle des films, en fait, de phénomènes aériens non conventionnels. Donc, il y a le film Tic Tac en particulier, qui date de 2012, du Nimitz. Donc, ces films vont faire le tour du monde, les médias vont s'emparer de ces films, l'ensemble des grands réseaux médiatiques mondiaux vont populariser ces vidéos, et la pression va commencer aux États-Unis sur le département de la défense et le Pentagone en particulier. Pourquoi? Parce que les sénateurs et les membres du Congrès américain vont se dire: vous avez fait des choses, on n'était pas au courant, on n'était pas véritablement au courant ouvertement de ce qui se passait, maintenant on veut la vérité sur la question. Il va y avoir donc, on va se retrouver pendant à peu près de 2017 à 2020 avec une pression constante sur le département de la défense pour demander la déclassification de documents, pour demander la déclassification de vidéos, de photos, etc. Et il va s'en suivre que en 2023, nous sommes déjà en 2023, il y a la création de l'AARO. Alors, l'AARO a été créé, était un projet déjà qui avait déjà 2 ans, qui était déjà dans les tiroirs, à cause justement de cette pression. Et donc, cette année, il y a maintenant à peu près 3 semaines, 1 mois, il y a un site officiel, le site de l'AARO, c'est le All Domain Anomaly Resolution Office, c'est le bureau des résolutions des anomalies tout domaine. Alors, nom un peu étrange, et la toute nouvelle agence gouvernementale américaine chargée d'enquêter sur les phénomènes anormaux détectés par l'armée et par les autres agences fédérales. C'est très centré sur les services intérieurs. C'est dirigé par le docteur Sean Kirkpatrick, qui est physicien des lasers et des matériaux. Il est également professeur adjoint de physique à l'Université de Géorgie. Donc, l'AARO, dont la création a été annoncée le 20 juillet par le département de la Défense, donc c'est cette année, hein, vient remplacer l'Airborne Project Identification and Management Group, le groupe d'identification et de gestion d'objets volants, tout en étendant son rayon d'action. Le bureau nouvellement créé enquêtera sur les objets non identifiés spatiaux, volants, submersibles, hybrides, plutôt que sur ceux uniquement volants. Cette nouvelle fait suite à un rapport de juin 2021 du directeur du renseignement national qui concluait, après l'analyse de plus de 100 cas d'observation de phénomènes inexpliqués, que les moyens alloués à leur étude ne permettraient pas d'obtenir suffisamment de réponses. Les UAP, donc phénomènes aériens normaux, sont décrits comme des objets volants qui ne peuvent pas être immédiatement identifiés, des dispositifs se déplaçant entre différents domaines tels que l'air, l'espace ou l'eau. Alors, cette intégration de l'eau dans du point de vue observationnel, du point de vue des rapports, c'est dû aussi aux vidéos qui avaient été déclassifiées, les vidéos du Nimitz, mais il y a aussi d'autres vidéos où les objets semblent en fait sortir de l'eau ou aller dans l'eau ou voler au-dessus de l'eau. Voilà, tout simplement. Donc, ils se sont intéressés beaucoup à l'aspect en fait océanique sur la question. Donc, ils ont aussi fixé un paquet de cibles sur des objets sous-marins difficilement reconnaissables. Donc, le communiqué du département de la Défense précise que l'AARO se chargera de détecter, d'identifier et d'attribuer des objets suspects à l'intérieur ou proches d'installations militaires, de zones d'opération de terrain, d'entraînement, d'espaces aériens à usage spécial et autres zones d'intérêt, et lorsque nécessaire, d'atténuer tout risque à la sûreté des opérations à la sécurité nationale. Quant à l'élargissement aux objets marins spatiaux hybrides, il correspond à la diversité des phénomènes observés. En 2021, une vidéo capturée par les pilotes de l'US Navy avait fuité sur Internet. C'était les fameuses vidéos que l'on voit aujourd'hui, qui ont été authentifiées par l'armée américaine, et qu'on a vu aussi en 2017 suite à l'article sur le New York Times, donc montrant un objet non identifié survoler l'eau, puis plonger dans l'océan au large de la Californie. Voilà. Jusque-là, un site, actuellement, là, est en fonction, une équipe en fonction, elle est en train d'ailleurs de se structurer. Donc voilà. Toujours en 2023, et là c'est encore plus proche de la date du 24 septembre, le jeudi 14 septembre, l'agence NASA, la célèbre agence spatiale américaine, publie un nouveau rapport d'experts sur les phénomènes aériens non identifiés. Ce rapport rédigé par un groupe d'éminents scientifiques et experts en aéronautique, un rôle qui a un rôle prépondérant dans l'étude des ovnis, rebaptisé phénomènes anormaux non identifiés. Donc ça on l'avait vu tout à l'heure, c'est la nouvelle, si vous voulez, la nouvelle terminologie. Donc la NASA a annoncé la création d'un poste de directeur chargé de la recherche sur ces phénomènes. Ces travaux commandés en juin pour la NASA à un panel indépendant marquent la première fois que la NASA prend une mesure concrète pour se pencher sérieusement sur cet événement inexpliqué, a déclaré lors d'une conférence le président de la NASA, Bill Nelson, le patron de l'agence spatiale. Le but est que le débat passe du terrain du sensationnalisme à celui de la science. C'est-à-dire que leur but c'est que d'un phénomène qu'on aurait pensé en fait sociologique, d'un phénomène purement langagier, d'un phénomène construit par une forme de réalité entre le factuel et la fiction, les scientifiques se disent non, c'est plus complexe que ça, il faut sortir ça de l'aspect sensationnel, si vous voulez. C'est un peu le travail. C'est un peu similaire, si vous voulez, le travail que j'ai fait en 2000, où je voulais absolument sortir le livre des phénomènes aérospatiaux non identifiés de l'étagère ésotérisme et paranormal, et rationaliser l'étude pour qu'on puisse, en fait, quelque part, en faire un objet scientifique, mais aussi que ça rentre dans le langage de la société, sans que ça puisse passer par une forme de discrimination, en fait, et que ça passe par le phénomène des croyances. Donc sortir du débat des croyances pour rentrer dans le débat de société et dans le débat scientifique. Donc nous ne savons pas ce que sont ces phénomènes, nous dit Bill Nelson, non identifiés, nous allons essayer de les trouver. Voilà donc pour la NASA. La NASA définit ces phénomènes comme des événements dans le ciel pouvant être scientifiquement identifiés comme un aéronef ou un phénomène naturel connu. La plupart des observations étranges rapportées, notamment par les pilotes, sont explicables, a déclaré David Spergel, astrophysicien chargé de présider les travaux du groupe d'experts. Elles se relèvent souvent être des avions, des ballons, des drones, des phénomènes météo, ou encore être liées aux instruments d'observation eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait des problèmes techniques de capteurs. Ça peut être des capteurs optiques, donc des problèmes techniques, par exemple, qu'on peut trouver sur certains avions. Des fois, il y a des problèmes de dysfonctionnement, comme tout appareil électronique. Mais certaines restent inexpliquées, selon la NASA, selon le rapport, qui est d'ailleurs rendu public et qui est accessible pour le grand public. Selon donc son rapport, cela est en grande partie dû au manque de données précises disponibles pour chaque événement. Les experts plaident donc pour une campagne de collecte des données rigoureuses, l'importance de détecter ces phénomènes avec des capteurs multiples, calibré et primordial. Et la NASA possède dans ce domaine une grande expertise, souligne-t-il. Donc récemment, selon ses déclarations. La NASA peut par exemple observer si certains phénomènes météorologiques coïncident avec l'observation de ces phénomènes. Avant ce rapport, selon certains experts, de nouveaux phénomènes physiques pourraient être aussi découverts. C'est très intéressant du point de vue analytique, c'est très intéressant du point de vue scientifique, parce que combien même qu'on puisse mettre une signature sur un phénomène aérien non conventionnel, on peut découvrir de nouveaux phénomènes qui peuvent être extrêmement intéressants pour la science et peut-être peuvent nous faire évoluer dans des concepts analytiques nouveaux. Le rapport recommande également que le grand public soit davantage impliqué, par exemple avec le développement d'une application permettant de collecter les enregistrements pris avec des téléphones portables, donc l'utilisation de la technologie publique. La NASA va travailler à la collecte davantage de données, y compris via les observations de citoyens, des pilotes, administratrices associées en charge à la science à la NASA. Elle déclare « Nous voulons que les pilotes privés commerciaux et militaires sachent que s'ils voient quelque chose, il faut qu'ils le disent. Donc ils ont besoin de matière. Comme tout scientifique, le scientifique, l'ingénieur a besoin de matière. Et dans son laboratoire, il a besoin de quelque chose qui est palpable. Donc il faut un maximum de données. C'est pour ça que sur le site, par exemple, de l'AARO, le site aujourd'hui officiel, il y a un appel à l'ensemble des pilotes civils et militaires pour rapporter le maximum de témoignages. Il faut absolument pouvoir identifier, si vous voulez, ce qu'on appelle, le Dr. Kilpatrick, ce qu'il appelle le paquet de cible. Le paquet de cible, c'est celui qui correspond à un phénomène aérien non conventionnel. C'est ce qu'on appelle des cas résiduels. C'est-à-dire, c'est le petit pourcentage de cas où il faut se pencher, et il faut discriminer les autres à travers différents moyens d'analyse. Donc, enfin, la NASA recommande que le système des rapports sur la sécurité aérienne, sur les rapports, donc, elle préconise que les pilotes professionnels soient mieux exploités, fournissant une base de données essentielle pour l'effort pan-gouvernemental visant à comprendre les phénomènes. La longue histoire du partenariat de l'agence avec la FAA devra également être capitalisée pour étudier comment des techniques avancées d'analyse en temps réel pourraient être appliquées aux futures générations des systèmes de gestion du trafic aérien. Nous recommandons que la NASA joue un rôle de premier plan dans les efforts déployés pour l'ensemble du gouvernement pour comprendre la nature des phénomènes en tirant parti de sa vaste expertise pour continuer à une approche globale fondée sur des preuves et ancrée dans la méthode scientifique. Nous recommandons spécifiquement que la NASA utilise des moyens d'observation de la Terre existants et prévus pour sonder. Les conditions environnementales locales associées au PAN qui sont initialement détectées par d'autres moyens. La NASA, en prêtant son nom aux études, à l'étude du phénomène, contribue déjà à réduire la stigmatisation associée au reportage. Effectivement, le but de la question, c'est que l'objet devienne un objet scientifique et donc qu'il sorte de cette stigmatisation, de cette cette forme d'agressivité envers une étude objective du phénomène, alors que cette agressivité habituellement le renvoie dans le domaine de la sociologie, dans le domaine des croyances, dans le domaine des on-dit, dans le domaine de la rhétorique, etc. Le but, c'est de sortir de cela, de cette stigmatisation, pour pouvoir libérer la parole. Et de plus, ça aide le témoin à pouvoir parler et à ne pas se sentir discriminé. Donc, ça apporte tout simplement de la matière. Au-delà de cela, nous recommandons que la NASA étudie la viabilité du développement de l'acquisition d'un système de crowdsourcing tel que les applications open source basées sur les smartphones pour collecter des données d'imagerie et des données de capteurs de smartphones auprès de plusieurs observations citoyens. Donc c'est une espèce de démarche citoyenne, si vous voulez. C'est un peu comme le dirait Isabelle Stengers, philosophe, c'est la démarche démocratique entre science et société. Et la démarche démocratique entre science et société, elle a toujours été déconnante. Parce que le scientifique a toujours, si vous voulez, dans le domaine, dans ce domaine précis, a toujours renvoyé, enfin une partie scientifique, ont toujours renvoyé ce domaine vers le phénomène des croyances. Hein, puisque en fait, il se prévaut d'avoir la connaissance. Donc, avant le but dans la tête du scientifique, à une certaine période, même encore, je pense encore aujourd'hui, et là c'est mon avis personnel, je pense qu'aujourd'hui le scientifique pense que avant de parler des ovnis, il faut savoir ce qu'est la science. Donc, il renvoie le témoin vers une caricature de son propre intérêt préalable. Il le renvoie vers le même phénomène des croyances, donc il pose un problème démocratique entre science et société. Il est lui-même, en tant que scientifique, un problème de communication. Donc c'est pour ça que la NASA veut justement discriminer tout ça et pouvoir faire l'objet scientifique pour pouvoir justement libérer cette parole et pour éviter justement une radicalisation des mouvements ufologiques. Donc voilà, parce qu'aux États-Unis, vous avez des mouvements radicaux ufologiques, vous en avez en France, vous avez des gens qui sont directement dans le domaine des croyances, de la croyance, qui n'ont pas d'approche agnostique, pragmatique, et donc comme ils ont été rejetés pendant des années, ils ont radicalisé ils ont été discriminés, ils ont radicalisé leur discours. Parce qu'il y a eu ce problème démocratique entre sciences et société, qui a d'ailleurs été soulevé par de nombreux philosophes des sciences. Donc, dans le cadre d'un effort plus large, vise à systématiquement recueillir des UAP publics, donc des phénomènes qui peuvent être apportés donc par le public. Ça, on revenait donc sur l'utilisation des smartphones. Le comité estime que l'engagement du public dans les efforts visant mieux à comprendre les pans sera vital. Conclusion générale. En conclusion, la NASA est dans une position unique pour contribuer à une approche robuste et systématique de l'étude des phénomènes, poursuivant ainsi sa mission de faire progresser les connaissances scientifiques, l'expertise technique et l'exploration lors de l'examen des recommandations. Ci-dessus est en fonction des priorités budgétaires. La NASA devra tirer parti de ses capacités, de son expertise de base pour déterminer si elle doit jouer un rôle de premier plan ou de soutien dans la mise en œuvre de nos recommandations données. Le positionnement du rôle de la NASA doit en outre être situé dans le contexte d'une approche pan-gouvernementale plus large pour comprendre les pans. Voilà où nous en sommes aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est quand même très, très important ce qui s'est passé. Pour la France, nous avons donc la section d'études des mystérieux objets célestes qui est née en 1954. En fait, c'est une réunion de 2 heures organisée au sein du cabinet de Pierre Mendès France, président du Conseil, l'équivalent, si vous voulez, du Premier ministre. Donc, cette réunion, qui s'appelait le CEMOC, donc section d'études des mystérieux objets célestes, était en fait administrée par donc le ministère de la Défense et des Forces armées, ainsi que 3 secrétaires d'État, donc Henri Cavaillé à la Marine et l'Air. Et de cette réunion sort plusieurs décisions, notamment la création d'une commission secrète de mi-octobre. Son existence sera rendue publique au Journal officiel le 12 janvier 1955. La section d'études des mystérieux objets célestes, document qu'on peut récupérer. Cet organisme dépendant de l'état-major de l'armée, selon le premier nombreux services à témoigner de l'intérêt, parfois maladroit, que porte le gouvernement français aux ovnis. Dirigé par le lieutenant-colonel Richard Martin, son objectif est de centraliser les observations en collaboration avec la gendarmerie nationale et la défense aérienne du territoire. Donc nous avons en fait une coupure. En fait, il va y avoir énormément d'associations ufologiques en France, etc. Après le CEMOC, qui sera encore tenu secret. Après, en fait, tout simplement la divulgation, si vous voulez, de certains documents et puis l'officialisation au journal officiel. Nous avons le GEPAN, donc créé en 1977 sous l'impulsion de Claude Power. Cet organisme avait pour but de réaliser des études des phénomènes OVNI, de coordonner l'aviation civile, l'armée de l'air et Météo France en la matière. Il travaille sous la tutelle du CNES, Centre National d'Études Spatiales. Il est auteur de nombreuses études statistiques. Une autre de ses missions était d'informer le public sur les OVNI en rédigeant des notes techniques. Voilà. Donc son premier président fut Claude Power de 77 à 78. Au début, il était seul avec une secrétaire. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. Au départ, c'était vraiment un tout petit service. Hein. C'était ce qu'on appelle le service placard. Et donc il était seul à s'occuper de ce service. Il réussira quand même cependant peu à peu à obtenir plus de moyens et du personnel. En 78, le GEPAN compte une dizaine de membres et est supervisé par un conseil scientifique de 7 savants et ingénieurs. Là, ça commence à devenir plus important. Par ailleurs, d'autres scientifiques français intéressés par les ovnis collaborent avec le GEPAN. C'est le cas de l'astronome Pierre Guérin, qui en fait, quelque part, ne faisait pas partie du GEPAN, mais était consultant du GEPAN. Voilà. Donc le 30 décembre 1978, Power démissionne et est remplacé par le mathématicien Alain Esterl, qui sera directeur du GEPAN jusqu'à sa démission en 1983. Beaucoup de savants rationalistes contestent la raison d'être du GEPAN. En fait, le GEPAN a toujours été contesté en fait au sein du Centre national d'études spatiales, tandis que les ufologues critiquent la réserve et la prudence qu'observe l'organisme. En effet, les ufologues voulaient plus de choses. Ils voulaient plus d'éléments, si vous voulez. Il considérait presque une partie de l'ufologie française considérait qu'en fait le GEPAN avait des rapports secrets, ce qui quelque part est à la fois faux et vrai. Il y avait des rapports relevant de la sécurité nationale et ce qui relève de la sécurité nationale ne doit pas être divulgué. Hein. Donc le CNES donc diminue son soutien au GEPAN à partir de 1983. Le conseil scientifique est supprimé, l'activité de l'organisme s'essouffle. En 88, le GEPAN est remplacé par le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, le CEPRA. Alors, dirigé par Jean-Jacques Velasco, chargé plutôt de la poursuite des rentrées atmosphériques, mais aussi des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, il y avait toujours cette prérogative de quand même recueillir les témoignages de gendarmerie. Voilà, simplement des témoins. Mais il faut savoir que le CEPRA, c'était une secrétaire, un stagiaire et un ingénieur en optique. Donc nous, le CEPRA continue, il y a un audit du CEPRA pour en fait savoir s'il doit continuer à vivre ou pas. Et après cet audit, le GEPAN reprend vie et ça s'appelle le GIPAN, groupe d'études et d'information des phénomènes aérospatiaux non identifiés, en 2005. Faisant suite à un audit, donc le président du CNES décide de remplacer CEPRA par GEPAN, GIPAN, donc le sigle qui parle plutôt, qui est plutôt axé sur l'information, l'information au public. Donc cette évolution s'exprime à travers la publication progressive à partir de 2007 et sur le site web du GIPAN, des archives de services et se retrouve dans l'existence des différents canaux de communication grand public, par exemple site internet, plaquettes, conférences, etc. Effectivement, aujourd'hui, vous avez un site. Vous allez sur le site du GIPAN, vous tapez GIPAN, vous allez donc sur le site du GIPAN, vous avez donc des rapports d'observation, vous avez la communication avec les médias, vous avez aussi des initiatives comme le CAIPAN, des initiatives en fait regroupant des scientifiques, des ingénieurs et des militaires, la gendarmerie en particulier, pour faire en fait des séminaires, hein, des séminaires de 2 à 3 jours donc sur la question. Le GIPAN est placé sous l'autorité d'un comité de pilotage qui donne au CNES ses recommandations sur les orientations et les fonctionnements que doit adapter le groupe d'études, présidé par un certain Issillard, ancien directeur général du CNES et ancien directeur général à l'armement. Il comprend 15 membres représentants, donc les autorités civiles et militaires françaises, gendarmerie nationale, police nationale, sécurité civile, direction générale de l'aviation civile, armée de l'air, le monde scientifique, le Centre National de Recherche Scientifique CNRS, le Météo France et bien sûr le CNES. Chaque année, plus de 300 phénomènes sont signalés au GEPAN. En 2021, au journal 20 minutes, le responsable du groupe a déclaré recevoir en moyenne 600 sollicitations par an qui donnent lieu à 150 enquêtes. En 2022, sur France Inter, son successeur parle de 700 signalements et 200 enquêtes. Sur les 1600 cas dans le dossier du GEPAN, certains, 3%, alors c'est de l'ordre de 3-5%, sont classés comme des phénomènes aérospatiaux de type D. Alors vous avez en fait une classification A, B, C, D, et en fait le D c'est le cas type inexpliqué. Alors aujourd'hui ils ont deux classifications, c'est le D1 et D2. Hein, vous avez inexpliqué, vous avez vraiment très inexpliqué. Donc c'est-à-dire inexplicable en dépit de la précision des témoignages et de la qualité des éléments matériels recueillis. Nous avons assez d'informations, mais nous n'avons pas trouvé d'explication. Toutes les hypothèses que l'on a pu formuler et analyser ne sont pas satisfaisantes. Voilà en fait ce qui s'est passé. Donc en ce qui concerne l'aspect officiel en France. Et nous avons un autre rapport, alors c'est un rapport civil. Mais nous allons nous y intéresser, pourquoi ? Parce que ce rapport civil va constituer quelque chose d'extrêmement important du fait de la position des personnes qui ont rédigé ce rapport. Alors, je voudrais justement mettre fin aussi, là, ce soir, je voudrais mettre fin au fait que c'est un rapport qui porte le nom de rapport. Et ce qui me gêne dans ce nom de rapport, c'est qu'en fait, tout simplement, qu'il n'a jamais été commandé. Un rapport, c'est quelque chose de commandé. C'est quelque chose de préparé. C'est quelque chose qu'un organisme tiers, une institution tierce, commande. On vous commande un rapport. Et personne n'a jamais commandé ce rapport. Néanmoins, ils l'ont appelé rapport pour lui donner une substance solide. Mais effectivement, à l'intérieur de ce rapport, les gens qui ont rédigé ce rapport sont des gens extrêmement solides, qui ont eu de très très hautes positions dans différents domaines. Ça s'appelle le rapport Cometa. C'est un document donc du Cometa, une association française d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Elle est préfacée par l'ancien président du CNES, André Lobo. Il a été porté à la connaissance du grand public par ses auteurs au moyen d'une publication dans le magazine VSD, Les ovnis et la défense, à quoi donc se préparer. Ce qui a donné lieu à quelques réactions dans la presse. L'association Cometa l'a publié sous forme de livre, à compte d'éditeur en 2003. Le rapport Cometa fait l'objet de mentions dans plusieurs livres traitant des ovnis. L'association Cometa, acronyme de Comité d'études approfondies communément appelé Cometa, a pour origine une association de fait qui, à partir de 1996, travaille à l'élaboration de ce qui deviendra le rapport. Le 24 février 1999, Elle est déclarée comme association loi 1901, composée d'experts provenant pour la plupart des instituts de hautes études de la défense nationale. Elle est présidée par le général de l'armée Denis Letty. L'association déclare avoir pour but la sensibilisation des pouvoirs publics et de la population du phénomène. En 1999, après 3 ans de travail d'un comité privé présidé par le général de Letty, un de ses membres, Jean-Jacques Velasco, remet en main propre à Lionel Jospin, alors Premier ministre, un document non officiel. C'est pour ça que je dis que il l'appelle rapport, mais ce n'est pas un véritable rapport. C'est un document non officiel, intitulé « Rapport Cometa », et cela sans qu'il ait été commandité par l'État. L'opération, recevant un écho médiatique, est suivie de la publication d'un ouvrage intitulé « Les ovnis et la défense, à quoi devons-nous nous préparer ?» Le rapport est un document de 90 pages, en 3 parties distinctes, et une conclusion compilant des cas français ou étrangers étudiés depuis une soixantaine d'années, et insistant sur l'aspect qui concerne la défense nationale. Ont collaboré à ce rapport Jean-Jacques Velasco, membre du CNES, ex-directeur du GEPAN, le général Domange, de l'armée de l'air, Edmond Campagnac, ancien directeur technique d'Air France, le professeur André Lobo, ancien président du Centre national d'études spatiales, ex-directeur général de Météo France. Il occupe le poste de vice-président de l'Organisation météorologique nationale jusqu'en 1994, puis sur l'environnement. Le général de l'air, de l'armée de l'air, Bernard Norlin, qui préfaçait d'ailleurs le rapport, ancien directeur de l'IHEDN, Christian Marchal de l'association Cobetta, précise au sujet de ce rapport, « Lorsque nous l'avons remis, il n'y a eu aucune réaction officielle. » Effectivement, le rapport a été remis par l'ingénieur Jean-Jacques Velasco, et aucune réponse de la part des politiques. Les auteurs du rapport Cometa concluent à la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus. Et qu'au vu des prouesses mesurées des ovnis, particulièrement lorsque les enregistrements radars existent, l'hypothèse extraterrestre leur paraît la plus probable ou la plus crédible. Le rapport différencie la réalité de l'existence des ovnis et la notion de visiteur extraterrestre, laquelle en est au stade d'hypothèse. Voilà pour l'aspect civil. Et un aspect civil un peu plus récent est la commission Sigma 2 3AF. En avril 2013, le mandat de la commission Sigma a été recentré sur l'analyse scientifique et technique, DKD. En fait, la commission Sigma 3AF travaille en collaboration avec le GEPAN ou le CNES. C'est une collaboration, on va dire, pas véritablement officielle, mais ils peuvent aider, tout simplement grâce à leur réseau. Son travail est parallèle et coordonné avec celui du GEPAN en France et d'organismes institutionnels ou pas à l'étranger, comme le CEFAA chilien. L'analyse technique de cas non expliqués fait suite aux enquêtes de terrain menées par les services institutionnels dans un périmètre circonscrit à l'environnement terrestre, proche et atmosphérique, jusqu'à l'iconosphère. Pour bien mener ses travaux, Sigma 2 réunit large faisceau d'expertise, ingénieurs, astrophysiciens, médecins, pilotes, analystes. Parmi ces compétences diverses de qualité, nous pouvons trouver l'ingénieur Pierre Bescon, ancien directeur du CNES, membre du Cometa, président du comité de pilotage, l'ingénieur général Jean-François Clairvoix, ingénieur navigant d'essai et astronaute de l'ESA, le docteur Kinsman, expert au conseil scientifique du président de l'ONERA, et le docteur François Louange, expert en traitement d'image, expert donc pour 3AF, Sigma 2 et du GEPAN en même temps. Donc, ils font des rapports. Donc, il existe un rapport Sigma que vous pouvez vous procurer. C'est le rapport Sigma 2021, Sigma 2 3AF, parce qu'il y a eu Sigma 1 et il y a eu Sigma 2. Donc, les travaux se poursuivent actuellement. Cette commission est toujours active. Elle dispose, cette organisation dispose en fait d'échanges et d'analyses techniques avec le gouvernement, avec les organisations chiliennes, mais aussi le NARCAP aux États-Unis. Alors le NARCAP, c'est une organisation qui est chargée aux États-Unis de recueillir uniquement et seulement les témoignages de pilotes. Voilà. Et bien sûr, la CSI, la SCU, le Studies Collection Union Scientifique, qui en fait est un organisme indépendant, civil, avec des scientifiques qui s'occupent de la question. Donc voilà, en ce qui concerne l'ensemble de la documentation. Alors, on va passer maintenant à ce qui se passe aux États-Unis. Alors, on va aller tout de suite vers quelque chose d'assez étonnant. Il s'est passé quelque chose qui a défrayé, on va dire, qui a fait défrayer la chronique, qui a fait même polémique. C'est le 26 juillet 2023, une audition, une audition sous serment, au sein du Congrès américain, trois personnes témoignent sous serment concernant les phénomènes aériens non conventionnels. Au départ, nous trouvons David Grosch. David Grosch, qui travaillait avec, qui était ancien agent du renseignement, qui travaillait à la National Geospatial Intelligence Agency et qui détenait une autorisation de haut niveau au sein du groupe de travail sur les phénomènes aériens, ancien officier décoré en Afghanistan. Grosch a travaillé pour la National Geospatial NGA et la National Reconnaissance Office, la NRO. Il a été le représentant de la NRO, d'ailleurs, au sein du groupe de travail sur les phénomènes. Cet ancien officier du renseignement est catégorique lors de ses déclarations sous serment que vous pouvez trouver sur Internet. Les autorités dissimuleraient des preuves de l'existence des extraterrestres, y compris des débris d'objets non identifiés et de restes de ces opérateurs désormais appelés phénomènes aériens non identifiés. Cet ancien officier du renseignement a été auditionné avec deux autres militaires pour une commission à la Chambre des représentants chargée des questions sur la sécurité nationale. Les deux anciens pilotes ont également assuré avoir été les témoins d'événements anormaux. Le premier, David Frevor, a raconté avoir assisté à un phénomène inexpliqué au large des côtes californiennes en 2004. Le second, Ryan Graves, a évoqué plusieurs rencontres mystérieuses faites par des pilotes lors de vols d'entraînement. Il a toutefois affirmé avoir interrogé personnellement, pendant 4 ans, là on parle de David Grosch, 40 personnes qui auraient eu connaissance de ces ovnis. Ce témoignage est fondé sur des informations qui m'ont été transmises par des individus, dit-il, dont les antécédents de légitimité de services rendus à ce pays sont connus et beaucoup ont partagé avec moi des preuves convaincantes sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages oraux couverts par le secret. Alors, ce qui s'est passé, c'est mon avis personnel, ce qui s'est passé à l'audition du Congrès, comme je l'avais moi-même déclaré, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est plutôt sa position, ou du moins son ancienne position, mais comparé au témoignage des pilotes qui étaient à droite et à gauche, c'est-à-dire David Frevor et Ryan Graves, son témoignage sous serment pèse peu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'apporte aucune preuve. Ce sont des allégations. Ce sont 40 personnes qui ont été auditées par lui-même au sein des services de renseignement dans des domaines hautement compartimentés, confidentiel défense, ça c'est vrai, mais il n'apporte aucun élément. Malgré qu'il a été audité, il a eu une réunion à huis clos avec l'inspecteur général, chargé de la défense, et au Congrès, mandat accrédité, parce qu'il faut un mandat accrédité pour qu'une personne comme ça puisse parler, du moins dans certains domaines, il n'apporte pour l'instant aucun élément de ce qu'il a dit. Et pour moi, cette audition au Congrès, elle est intéressante, ça a défrayé la chronique, etc. Mais en fin de compte, ce qu'a dit à David Grosch a occulté les choses qui étaient peut-être plus intéressantes, celles de David Frevor. Alors David Frevor, c'est lui qui était en fait témoin de l'observation du Nimitz. Faut savoir que ce monsieur a 25 ans de marine. Il est commandant d'escadrille, était commandant d'escadrille et chasseur d'attaque VFA à l'escadrille Black Ace. Il était membre forcément de la unité de SAT Naval Academy. Il a une licence d'océanographie, chimie et physique. Il était commandant de la marine américaine de 2004 à 2006, c'est son rôle, c'est son grade maximum en fait tout simplement, et il a 25 ans de marine. Paul Ryan Graves, qui était tout aussi intéressant, puisqu'ils ont apporté tout simplement des témoignages d'observation. Était un ancien pilote de la marine et pilote instructeur sur T-45 Goswak. Il a fait plusieurs opérations. Il a des formations spécialisées dans différents domaines. Il était chef de transmission à l'atterrissage. Il était aussi instructeur chef sur F-18 et T-45 et est diplômé de l'école de sécurité aéronautique navale. Donc en 2019, Ryan Graves a quitté l'armée pour fonder une société qui regroupe l'exploration des phénomènes aériens non identifiés à travers le prisme des pilotes, de scientifiques et d'innovateurs. Ryan Graves consacre bénévolement aussi son temps au service de l'Institut américain de l'aéronautique et de l'astronautique, où il est le premier président du comité d'intégration et de sensibilisation aux phénomènes anormaux non identifiés. Voilà ce qui s'est passé. Alors, ce que je voulais dire par rapport à tous ces événements, à tout cet historique, en mettant de côté l'aspect des croyances, l'aspect du sensationnel, l'aspect pop culturel lié à l'ufologie, parce qu'elle est aussi partie prenante de toute cette histoire, c'est que actuellement nous avons une prise en compte du phénomène du point de vue scientifique. Nous avons une étude actuellement à Cornell University. Nous avons une étude à l'Astronomic College concernant l'utilisation des observatoires MODO pour cibler ce qu'on appelle le paquet de cibles et pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de façon à discriminer un maximum de choses conventionnelles pour pouvoir s'occuper de celles qui sont non conventionnelles. Donc effectivement, j'ai en ma possession à peu près une quinzaine d'études de recherche scientifique qui sont extrêmement récentes. Ce sont des projets, c'est de la prospective, c'est de la mise en place de projets futurs qui seront peut-être travaillés au sein de la NASA. Et on a une étude récente qui a validé les phénomènes. C'est une étude ukrainienne, une étude scientifique qui a été commandée par la NASA. Et ça sera le mot de la fin de cet exposé pour vous expliquer que cette étude, qui est scientifique, qui est récupérable auprès de la Cornell University, une étude qui prouve qu'il y a deux phénomènes. Les Ukrainiens appellent ça un phénomène fantôme et un phénomène cosmique. Le phénomène cosmique vole en extra-atmosphérique et le phénomène fantôme vole en intra-atmosphérique. Ils l'ont appelé comme ça, tout simplement par l'analyse qu'ils ont faite, l'analyse spectrographique. Voilà, donc c'est à travers le spectre qu'ils ont analysé, à travers des recherches. Donc ils ont pu identifier qu'il y avait effectivement un phénomène, d'où d'ailleurs le récent rapport de la NASA qui confirme l'utilisation probablement d'observatoires et de nouvelles méthodes de discrimination à l'aide d'intelligence artificielle. Voilà en ce qui concerne tout simplement ce fait du point de vue scientifique. Voilà, si vous voulez. Donc nous avons, si vous voulez qu'on parle des cas, je veux bien qu'on parle des cas. Je vais vous parler d'un cas. Un cas qui est solide, qui est absolument documenté, que vous pouvez tout simplement chercher. C'est très simple. Ça s'appelle l'incident de Téhéran de 1976. L'incident de Téhéran a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 septembre 1976, en Iran. Il s'agit d'un des plus célèbres cas de poursuite avion, chasse, ovni. Aucune explication sérieuse n'a pu être fournie pour l'instant, d'autant plus que cet incident a été confirmé par radar. L'affaire a par ailleurs donné lieu à un rapport secret, puis déclassifié par la DIA, l'Organisation du renseignement militaire du Pentagone. Vers minuit 30, le 19 septembre 1976, le PC de l'armée de l'air iranienne reçoit plusieurs appels téléphoniques de personnes ayant aperçu des objets lumineux dans le ciel, au nord de Téhéran, dans le quartier de Shamiran. Les militaires réalisant qu'aucun hélicoptère ou avion n'en est la cause, ils préviennent le général Youssefli. Le général n'en croit pas un mot et dit à ses subordonnés qu'il doit s'agir d'une simple étoile. Mais après avoir parlé avec le personnel de la tour de contrôle de l'aéroport de Mehrabad, il voit alors par lui-même et peut observer un grand ovni lumineux et constater qu'il ne s'agit pas d'une étoile. À 1h30 du matin, il envoie un chasseur F4 fantôme pour éclaircir la situation. Le pilote de l'avion de chasse et son navigateur voient eux aussi l'ovni. Mais arrivé à 45 km de l'objet, les instruments de communication se bloquent. Ils croient à une panne et font demi-tour. Mais une fois repartis à plus de 45 km de l'OVNI, ils constatent que leur instrument remarche. Peu après, un second F4 est envoyé avec la même mission. Le copilote voit l'objet sur son radar, qui a la même signature qu'un Boeing 707. Cependant, en visuel, l'objet émet une lumière éblouissante, même à des dizaines de kilomètres de plusieurs couleurs. Ce n'est donc pas un avion de ligne. Les pilotes constatent aussi cette même panne de communication. À moins de 45 km, tandis que l'objet semble vouloir garder une distance de sécurité, c'est alors qu'un objet plus petit se détache de l'OVNI, fonçant à plusieurs fois la vitesse du son sur le F4. Le pilote tente de tirer un missile AIM-9 Sidewinder pour se défendre, mais les commandes d'armement ne marchent pas non plus. L'avion entame alors une manœuvre de fuite. Toujours poursuivi par un petit ovni qui finit par le dépasser, lui couper la route pour enfin faire demi-tour et rejoindre l'ovni principal. Une fois plus loin, l'avion retrouvera l'usage de toutes ses commandes. Peu après, un petit objet quitta à nouveau l'ovni pour s'opposer au sol, illuminant durant quelques instants une zone de plusieurs kilomètres. Éblouissant. Les deux pilotes du F4 qui durent attendre de s'être réaccoutumés à l'obscurité pour atterrir enfin à Mehrabad. Juste avant d'atterrir, le F4 remarqua un autre ovni lumineux, cylindrique celui-là. Par ailleurs, un avion de ligne souffrit des mêmes défaillances de ses appareils de communication une fois à moins de 45 km de l'objet, alors qu'il allait atterrir à Mehrabad. Peu après, le gros ovni s'éloigna vers l'ouest pour disparaître derrière l'horizon. Une fois le jour levé, des recherches furent entreprises à l'endroit où le petit ovni avait été atterri, une sorte de lac séché. Mais on ne trouva rien. Cependant, des gens habitant près de là diront avoir vu une forte lumière durant cette nuit et entendu un fort bruit. Un rapport de la DIA à l'époque, l'Iran étant un allié des États-Unis, c'était à l'époque du Shah d'Iran, la DIA put accéder aux informations de l'armée de l'air iranienne. Ce rapport déclara « Un rapport exceptionnel. Ce cas est un classique qui rassemble tous les critères nécessaires pour une étude valide des phénomènes. L'objet a été vu par de nombreux témoins de différents endroits, c'est-à-dire de Shamiran, Mehrabad, et le fi sec du lac, et le lit sec du lac, à des points de vue au sol et dans les airs. La crédibilité de plusieurs témoins a été haute, un général de l'armée de l'air, des équipages qualifiés, le personnel de la tour de contrôle. La présence de l'OVNI a été confirmée par le radar. Des effets électromagnétiques semblables ont été rapportés par 3 avions différents. Il y avait des effets physiologiques similaires sur plusieurs pilotes. Des pertes de vision de nuit dues à l'éclat de l'objet. L'OVNI a fait preuve d'une manœuvrabilité impressionnante, nous dit donc le rapport de la DIA aux États-Unis. Voilà, pour ce cas absolument impressionnant, parce que c'est un cas qui est raconté, vécu par les personnes qui étaient là, et nous avons eu, à une certaine période, dans les années 90, une conférence de presse à l'Associated Press, qui ont parlé justement de ces différents cas. C'était sous l'égide d'un ufologue américain, et il y avait donc le fameux pilote qui avait poursuivi l'OVNI, le colonel Jafari, qui expliqua ce qu'il avait vécu. Voilà, donc nous avons un autre cas, c'est un cas français. J'ai eu l'occasion moi-même de rencontrer le pilote, puisque j'ai mangé avec ce pilote, c'était Jean-Charles Duboc. C'est cette note technique du GIPAN, le groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés, au sein du CNES, c'est la note technique AF 3532. On l'appelle plutôt le OF, le vol AF-94. L'AF-94, c'est un avion d'Air France au-dessus de Paris qui voit, à une certaine distance, un phénomène plat, de couleur, très grand, très très grand, et qui disparaît. Ce cas fera controverse parce que il aurait été pris sous radar, mais il y aurait pu avoir un problème technique par rapport à ça, et peut-être des données qui auraient été en fait tout simplement altérées. Néanmoins, le cas est considéré comme D au GIPAN, et les témoins sont donc le pilote Jean-Charles Duboc et sa copilote. Un autre cas français, lui, en 1982. C'est un cas qui est extrêmement intéressant, il s'agit d'un biochimiste à côté de Nancy. Ce cas est impressionnant. C'est un cas où il y a un petit objet qui se pose dans le jardin de ce monsieur, donc de formation scientifique. Et ce monsieur voit ce petit objet pendant 20 minutes. Un objet bleu lagon sur le dessus et noir ressemblant à du beryllium poli, d'après lui, d'après ses connaissances. L'objet reste à 20 minutes en face donc de la personne. Et l'objet se mit au bout de 20 minutes à se soulever. Mais avant cela, il essaya de parler à l'objet en plusieurs langues. L'objet ne lui répondit pas. Il ne toucha pas l'objet. Il le regarda, uniquement le regarda. Il essaya d'aller chercher son appareil photo, mais son appareil photo ne fonctionnait pas. Il était effectivement en panne. Donc, il prenait un maximum, en tant que scientifique, il prenait un maximum de données observationnelles autour de l'engin, etc. Il regarda au-dessus, en dessous, sur les côtés, il s'en approcha, et l'engin donc se mit à décoller à la verticale, droite, en fait, à la verticale, et il remarqua une chose très intéressante. Et ce fut très intéressant du point de vue scientifique, c'est très intéressant. Ils remarquèrent que quand l'objet a décollé, que le gazon s'est soulevé. Un peu comme s'il était, en fait, si vous voulez, sous effet de champ électrique. Et suite à ça, il appela la gendarmerie. La gendarmerie se déplaça, faisa une enquête, et le GIPAN donc arriva sur les lieux, etc. Et ils remarquèrent donc dans cette technique, une technique qui s'appelle l'amarante. Une amarante, donc une petite plante, qui était en fait à côté de l'observation, l'amarante était touchée. A été touchée, et ce sont des tests qui ont permis de savoir que les amarantes qui avaient été touchées par une espèce de champ électrique avaient été brûlées à l'intérieur. C'est une note technique tout à fait consultable sur le site du GIPAN. Il y a aussi l'étude de laboratoire qui s'y trouve. Actuellement, le cas reste D. Et nous avons un grand cas. Et je m'arrêterai ici pour mon exposé concernant l'ufologie. Il s'agit du fameux cas de Trans-en-Provence. Un homme dans son jardin, qui travaillait dans son jardin, Renato Nicolai, voit un petit objet métallique. Il le voit un petit peu, mais il ne le voit pas se poser au départ. Il le voit un peu au travers des arbres, donc il s'approche, et c'est au moment de derrière les arbustes, dans son jardin, qu'il le voit au sol, tout simplement. Cet objet redécolle, juste après, quelques minutes, même pas. Bon, il regarde l'objet, etc., il va prévenir sa voisine. Sa voisine, voyant M. Renato Nicolai, il est un peu inquiet, etc., c'est un monsieur d'origine portugaise, qui était très inquiet, avec un accent très fort. Et donc la voisine décide d'appeler la gendarmerie. La gendarmerie va sur les lieux et constate une trace circulaire d'un petit de la taille de l'objet de M. Nicolai. C'est comme ça qu'il le décrivait, un petit objet. métallique, gris, sans bruit. Il voyait en fait une couronne, une espèce de couronne, hein, et les gendarmes donc appellent le GEPAN se déplace et ils prennent des échantillons. Les échantillons seront étudiés à l'INRA, à l'Institut National d'Agronomie, de Recherche Agronomique, et c'est un professeur qui montrera, par rapport à des plantes témoins, à des plantes dans la couronne, mais aussi à des plantes témoins, qu'un phénomène s'était passé, un phénomène qui aurait pu dégager effectivement des sortes de micro-ondes qui ont en fait affecté la structure moléculaire des plantes. Ce rapport est tout à fait consultable. Consultable sur le site du GEPAN. C'est un rapport qui n'a... Alors, il a été démenti par d'autres personnes, appartenant à d'autres milieux plus rationalistes, etc. Néanmoins, ce rapport existe toujours dans son classement D et fait aujourd'hui exemple d'une relation en fait entre des organismes scientifiques, des organismes de recherche et puis les militaires et donc la gendarmerie, etc. Et c'est aussi un exemple démocratique, parce que ce rapport est accessible, c'est-à-dire qu'il est accessible au public. Il est anonymisé, mais on peut voir tout à fait l'étude technique qui a été utilisée, ainsi que le compte-rendu de l'Institut National de Recherche Agronomique. Voilà donc pour cet exposé sur l'ufologie. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. C'est pour vous donner un aperçu de l'ufologie en dehors du prisme de l'irrationnel, en dehors du prisme du paranormal, en dehors, si vous voulez, du champ dogmatique, hein, et puis cet effet de la pop culturelle, justement, sur l'ufologie, hein, les extraterrestres, les petits hommes verts, la soucoupe volante, les martiens, le contact, etc. C'est pour vous éviter, si vous voulez, dans ma forme de langage, éviter de rentrer sur ce champ-là, et plutôt rationaliser ce qui se passe et pour faire un objet qui puisse être accessible à la société et ainsi libérer les paroles concernant les différents témoignages et bien sûr rassurer le monde scientifique comme quoi il y a peut-être des pistes à explorer sur la question. Voilà. Merci beaucoup, c'était un exposé vraiment très riche. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. C'était vraiment dense, donc honnêtement, je pense que je vais me repasser la rediffusion plus tard parce que je vais pas réussir à tout digérer là. Néanmoins, on a déjà des questions. Je vais proposer à la communauté de continuer à partager leurs questions. Donc moi, j'impose quand même là parce que je préfère que ça parte pas dans tous les sens qu'on suive la trame des questions-réponses en mettant le logo du point d'interrogation. Donc là, je vais vous présenter comment est-ce qu'on fait dans le chat. Nous, les modos, on va reprendre vos questions et puis on vous proposera soit d'intervenir en vocal pour que Ufologie Dynamique vous réponde directement, ou si vous préférez juste qu'on vous les lise, on vous les lira. Là, donc, on a déjà quelques questions, donc je vais laisser la main à Olifax, et puis encore une fois, Ufologie Dynamique, merci beaucoup. Ce fut un plaisir en tout cas de pouvoir exposer cette étude, ce fait de société qui existe maintenant depuis 80 ans. Olifax, je t'en prie. Bonsoir, merci pour ce livre blanc, c'était très instructif. Moi j'avais quelques questions. La première, je ne pense pas que tu en aies parlé, sur l'affaire aux États-Unis. Il n'y a pas aussi une affaire de financement de projets, justement, avec des financements qui auraient été retirés par rapport au bureau qui avait été ouvert au Pentagone, puisqu'il y avait un budget de 22 millions, et qui du coup aurait commencé à faire sortir dans la presse quelques rapports pour peut-être tenter de générer une réaction du public et de récupérer des fonds. C'est possible, il est tout à fait possible que les 22 millions de dollars ont été. Alors, faut savoir que les 22 millions de dollars ont été utilisés étonnamment uniquement pour faire des rapports prospectifs en fait, tout simplement parce que si vous avez sur le site de la DIA actuellement, puisque les rapports sont déclassifiés, on peut d'ailleurs y avoir accès si vous allez sur le site de la Defense Intelligence Agency. Les 22 millions de dollars ont été uniquement utilisés pour faire de la prospective, pas obligatoirement faire des enquêtes de terrain, parce que on n'a pas, en fait, j'ai regardé, mais on n'a pas vraiment de rapport d'observation. Et donc, c'est l'argent qui a été utilisé. Elle a été utilisée uniquement dans un but précis pour voir s'il y avait quelque chose. C'était le sénateur Harry Reid hein, qui a fait débloquer les 22 millions de dollars. Et là, c'est pour donner un intérêt. Alors, c'était pas obligatoirement pour donner un intérêt public, puisque à la base, la TIP n'était pas connue du public. Elle n'a été que découverte en 2017 avec l'article, bien sûr, du New York Times. Donc, les 22 millions de dollars ont été là uniquement pour essayer de travailler sur des différentes modélisations de ce que pourrait être le phénomène, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a, si on lit les PDF, des fois c'est un petit peu étrange. C'est vrai que c'est un petit peu étrange, je dois l'avouer. Et je crois qu'en même temps, il y a peut-être un lien avec le complexe militaro-industriel américain, en particulier, si vous voulez parler de ça. Donc je pense qu'il y a peut-être un lien. Je vais me permettre de préciser, c'était pas vraiment dans ce sens-là. J'ai lu des articles américains pour le coup qui parlaient de ce sénateur qui avait monté le projet, des rapports. Harry Reid, voilà, merci. Du fait qu'une partie de cet argent était partie dans la société d'un ami de ce sénateur. C'est possible. Et que justement il y avait suspicion de petite magouille et que la personnalité qui a été l'une des personnalités qui est mise en avant, David Brush, pour faire des témoignages. Devant le Congrès, est une personne un peu particulière dans le sens il a été extrêmement calme et relativement précis dans son audition et il est beaucoup moins sur certaines interviews. Vous pouvez trouver des interviews de lui sur Internet d'ailleurs assez facilement où le monsieur a des idées en fait beaucoup plus farfelues. Oui, tout à fait. Qu'il a mis en avant au Congrès justement. Tout à fait. Alors, c'est pour ça. Juste pour terminer, excusez-moi, je me permets. C'était oui, cette affaire-là précisément. Hein, ce serait pas surtout une affaire de gros sous pour essayer de tirer du budget à gauche à droite, davantage qu'une affaire réellement d'OVNI. Alors, ça a été soulevé. La question est soulevée. Concernant David Grosch, faut savoir que j'ai une certaine méfiance. En fait, simplement. Faut savoir que mon positionnement, c'est une méfiance. C'est une méfiance tout simplement parce qu'il n'apporte déjà pas les faits. Et c'est une méfiance parce que c'est un agent du renseignement. Déjà à partir de là, il a été évoqué une opération psychologique vis-à-vis en fait de cette, on va dire, pseudo-divulgation de ces allégations. Et je pense, j'ai certaines idées sur la question concernant ce monsieur. Parce que sur un article que justement j'avais lu justement sur Medium d'un ancien collègue, je pense que derrière il y a quelque part des suspicions, alors ça concerne David Grosch en particulier, des suspicions avec des investissements du complexe militaro-industriel. Mais l'aspect de ses dires, pas du personnage lui-même, parce que son CV est authentique, hein. J'ai d'ailleurs son CV sous les yeux. Mais effectivement, c'est une personne qui a vraiment une grande carrière, mais on peut très bien évoquer l'idée que cette personne vise à déstabiliser des véritables études et demandes de la part du Congrès, de la part du Sénat aux États-Unis pour une étude sérieuse sur la question. C'est pour ça que j'ai toujours dit que David Grosch, pour moi, c'était la personne, en fin de compte, la moins importante des trois qui ont témoigné le 26 juillet 2023. Parce que les deux autres personnes apportaient du factuel et des éléments militaire sur la question, mais que lui, en fait, n'apportait strictement rien du tout. Et effectivement, son dernier interview, j'ai écouté son dernier interview là tout récemment, c'est vrai que c'est quand même assez étrange. C'est vrai que c'est son discours, il est très étrange. Bah, c'est un monsieur qui parle de technologie antigravité maîtrisée par les États-Unis d'Amérique. Ouais. Et même pour les deux autres témoins, pilote de l'affaire du Nimitz, sa coéquipière a une version beaucoup moins extraordinaire de ce qu'elle a vu, surtout sur la durée du temps et ainsi de suite. Mmh. Et quant au pilote qui rapporte des faits d'autres pilotes, il ne donne aucun nom. Et c'est un peu particulier. Enfin bon, on va peut-être pas trop faire cette affaire-là. Non, non. Je pense qu'on va y faire toute la soirée. On va y rester, oui. La question suivante, c'est moi aussi. Et là, c'est plus un avis de votre part que je cherche. Je lisais du coup des papiers par rapport à cette affaire-là et j'ai lu un avis qui m'a assez marqué. De la part d'un Canadien qui, lui, suit toutes les affaires d'OVNI. Il est très critique dessus, par contre. Hein. Je vous donne ça tout de suite comme information. Et qui remarquait que, généralement, les grandes vagues aux États-Unis d'OVNI, dans le sens où le gouvernement s'y intéresse, hein, pas des populations, c'est des vagues où l'espace aérien des États-Unis peut être contesté par d'autres puissances. Dans le sens où les années 90, qui font émerger un calme plat, début des années 2000, dès que l'URSS n'est plus là, il y a moins de pognon, il y a moins d'intérêt. Là, on a une remontée d'États concurrents, comme la Chine. Et tout d'un coup, c'est des sujets qui reviennent sur la scène médiatique et sur lesquels il y a des bureaux qui sont nouveaux créés, avec des budgets qui sont nouveaux mis en avant, comme si le gouvernement s'y intéressait dès qu'il se dit susceptible que ça ne soit pas un projet américain ou autre chose, en fait, qui soit derrière de potentielles observations d'OVNI. Ouais, le problème de ça, l'utilisation qu'on appelle des moyens géostratégiques, des moyens de défense vis-à-vis de ça, c'est vrai que les grandes vagues dans l'histoire de l'ufologie ne correspondent pas obligatoirement celle de 1970, celle de la vague belge en 1990, celle de 1974 en France, ne correspondent pas obligatoirement à des grands événements géostratégiques, géopolitiques, etc. Mais on peut effectivement supposer au sein du gouvernement américain, au sein du département de la défense, que des gens utilisent effectivement des faits qui peuvent être rapportés pour pouvoir faire ce qu'on appelle du lobbying pour obtenir des crédits supplémentaires et pour pouvoir forcément améliorer les situations et les moyens de défense. Donc, je me méfie de ce type d'argument. Néanmoins, même si en URSS, il y a eu des accalmies, des vagues, des accalmies, etc. Il y a eu des accalmies. Après, ça a repris. Mais les vagues ne correspondent pas obligatoirement ni à l'aspect territorial, puisque le phénomène est un phénomène mondial. Il peut se passer en Amérique latine, comme il peut se passer au Kazakhstan, comme il peut se passer en Chine, etc. Les vagues ne sont pas obligatoirement liées à quelque chose qui soit géopolitique, géostratégique. Néanmoins, on peut penser que... Oui. Je suis d'accord avec vous. En fait, c'était pas vraiment sur les vagues qui sont décorrélées des événements stratégiques. C'est plutôt de l'intérêt du gouvernement américain pour les 10 événements. Quand ils ont des concurrents, ils s'y intéressent. Quand ils en ont pas, tout d'un coup, les budgets réduisent drastiquement. Votre avis de ce point de vue-là. Effectivement, les vagues vont pas être corrélées, vont être traitées différemment en fonction du pays, historiquement de la même façon. Mais effectivement, il peut y avoir. Par contre, l'idée de l'apport de la recherche, par exemple, de crédit pour la défense. On peut très bien, d'ailleurs, c'est une idée que j'ai même évoquée. J'ai évoqué l'idée par rapport à Madame Suzanne Goog, qui est représentante et qui fait le lien avec le public au sein du Pentagone. Il faut savoir que Madame, par exemple, Suzanne Goog est une experte dans sa formation d'opérations psychologiques. Alors, forcément, je veux pas passer par les théories du complot en disant oui, il y a des opérations psychologiques, etc. Mais on peut effectivement penser que la recherche de crédits militaires, la recherche de multiplication de contrats avec le complexe militaro-industriel, on peut penser que, par exemple, l'utilisation d'un fait, comme le fait que nous avons évoqué ce soir, peut être utilisée pour certaines choses concernant les moyens de financement de certains services ou le moyen de libérer des crédits pour pouvoir fabriquer de l'armement, concevoir des nouveaux armements, etc. On peut penser ça aussi, effectivement. Merci pour votre réponse et du coup, je laisse la parole aux autres. Yeah, c'est à ton tour. Donc j'avais une question également, je la lis. Quelles sont les conclusions du rapport de 2021 de Sigma 2 Transavec que tu avais fait référence, et est-ce qu'elles sont fondamentalement différentes de celles du Cometa? Faut savoir que le Sigma F il est un peu plus prudent. je dirais que il est un petit peu plus prudent. Alors, la commission Sigma F, si je regarde, elle s'est continuée, en fait, ses conclusions, c'est continuer le recensement avec des moyens techniques d'observation, etc., continuer le travail, mais ils sont extrêmement prudents par rapport à Cometa, qui est, lui, la commission Sigma F considère quand même qu'il y a des phénomènes, hein, et ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, ne va pas aussi loin que le Cometa. Parce que c'est que le Cometa, à la fin du Cometa, on le voit à la fin du rapport, que ils mettent en fait l'hypothèse, on va dire, extraterrestre quand même en avant. Ils stipulent que c'est qu'une hypothèse, bien sûr, et pas obligatoirement une vérité en soi. Par contre, la commission Sigma, dans ses conclusions, recommande de toute façon une étude scientifique sur la question au travers justement de la construction, de la mise en lien, de la fabrication de réseaux pour pouvoir étudier le phénomène. Ils sont extrêmement plus prudents. Alors moi j'ai la synthèse de la Sigma, sinon je dispose du rapport de 377 pages, ce qui est quand même très long à lire. Mais là, j'ai la synthèse, et là, j'ai la synthèse juste en face de mes yeux. Personnellement, ils considèrent que pour l'instant, qu'il y a des phénomènes et que ça nécessite une recherche scientifique. On est quand même un petit peu, c'est un petit peu différent de l'époque du Cometa. C'est peut-être pas aussi, c'est pas non plus la même période et la même époque, même s'il y a une décennie entre deux à peu près. Merci. Je vais laisser maintenant la parole à l'autre poudre. Ça aussi. Et bonsoir, et merci beaucoup pour ce livre blanc. Je l'ai trouvé très intéressant. J'aurais eu une question à vous proposer, mais c'est un peu plus dans la prospective. Tout d'abord, est-ce que vous auriez vu le film The Visit, une rencontre extraterrestre? Ce n'est pas autant un film qu'un documentaire. C'est Michael Madsen, qui est un réalisateur du Danemark, qui va rencontrer des scientifiques de différents domaines et des membres du Bureau des Affaires Spatiales de l'ONU pour réfléchir autour de la question « Que ferait l'humanité si on rentrait en contact avec des extraterrestres, une forme de vie intelligente venue de l'espace, avec une volonté de communication ?» Donc, Non, je n'ai pas vu le. Alors, ça me dit rien du tout. J'ai plusieurs forcément films sur la question, plusieurs documentaires sur la question. Vous en doutez. Non, celui-là, je n'ai pas vu. Mais sur la question de visite de communication, il y a différentes hypothèses qui sont mises en place. Il y a d'ailleurs un dernier article. Sur le site The Debrief, écrite par une universitaire, une doctorante, concernant justement cet aspect-là, d'ailleurs que j'ai présenté récemment sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas vu le film, non, désolé, vraiment, alors, il me dit rien, ou alors je l'ai vu, mais peut-être sur un autre titre. C'est possible. Très bien, je vous remercie. Je reprends la parole alors pour la question suivante. Donc au début, si j'ai bien compris, il était question de soucoupe volante. Là, à partir de 2017, on nous parle de tic-tac. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a finalement une grande diversité des pans, ou est-ce qu'on arrive à retrouver quand même dans l'histoire de l'ufologie des points communs parmi ces différents phénomènes? Alors en fait, il y a ce qu'on appelle des corrélations entre les cas, selon les formes et selon l'intentionnalité. Néanmoins, on s'est aperçu d'une chose depuis l'ufologie, c'est qu'en fait le phénomène semble évoluer. Alors, il semble évoluer dans le domaine de ses formes. C'est-à-dire que si on reprend par exemple les études, les travaux de Jacques Vallée sur la question, le docteur Jacques Vallée, on a en fait des formes au départ un peu, si vous voulez, qui pourraient paraître un peu archaïques, et puis aujourd'hui on a des formes modernes. Par contre, effectivement, il y a des corrélations entre les formes, entre l'intentionnalité, entre les interactions avec l'environnement ou l'interaction directe avec le témoin. Il y a effectivement en fait une diversité de formes. Il y a une diversité de formes, mais là, depuis par exemple 1990, depuis par exemple la vague belge où en fait c'était vraiment des triangles, etc. Il y avait beaucoup de triangles en fait dans cette période-là. D'ailleurs, ça a dépassé même les frontières de la Belgique jusqu'à la France. Il semble avoir des formes qui sont à peu près similaires sur des grands pourcentages. L'ARO, le site donc du Pentagone, donc chargé sur la question, nous parle par exemple de 47% de sphères, ce qu'ils appellent des orbes. Et ce qu'ils appellent, le docteur Shankar Patrick, ils appellent ça des paquets de cibles. En fait, c'est ce fameux paquet de cibles qui actuellement va faire l'objet d'une recherche scientifique parce qu'ils veulent cibler ce que c'est. C'est en fait ce qu'observe actuellement et le plus souvent les pilotes civils et militaires. Ces fameuses sphères orbes de type métallique, hein, d'après ce que disent les pilotes, bien sûr. Et donc, il y a une évolution des formes à travers l'histoire de l'ufologie, ça c'est une évidence, mais il y a aussi une disparité. C'est ça, et ce qui rend d'ailleurs le phénomène d'autant plus complexe. Mais actuellement, il y a des catégories, il semble qu'il y a de plus grandes catégories du même phénomène. Actuellement, là, depuis à peu près une décennie. Alors qu'avant, il y avait vraiment plus de formes différentes. Donc là, on arrive sur une espèce de synthétisation ou une catégorisation plus précise, si je comprends bien. Alors, si je m'en réfère, par exemple, à l'article que je parlais sur The Debrief, écrit par une doctorante en sciences régionales, elle disait que, enfin, c'est un article en prospectif uniquement, elle disait que le phénomène tente, en fait, à se moderniser. Enfin, d'après elle, c'est que des suppositions, hein, attention, elle le dit bien, hein, c'est que des spéculations. Voilà, elle dit bien, elle note bien ces spéculations. Mais sur la base de ses travaux, elle pense que, effectivement, le phénomène tente à se moderniser, à se catégoriser, en fait, à devenir une seule catégorie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'ARO s'intéresse extrêmement à ce paquet de cibles. Pourquoi il s'intéresse à ce paquet de cibles? Parce que c'est celui qui est le plus courant dans le vol intra-atmosphérique. Disons, observé soit par des personnes au sol, soit par des pilotes civils et militaires. Ok, merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Dridouille, qui va poser sa question. Bonsoir, bon. Et merci. J'ai une petite question assez simple. En fait, quelle était votre approche à vous, très personnelle, de ces phénomènes? Et éventuellement, parce que tout à l'heure, en fin d'intervention, vous avez dit qu'il y aurait peut-être d'autres pistes. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres pistes entre les éventuels extraterrestres qui pourraient passer par chez nous ou des phénomènes scientifiques tout à fait explicables à cause de la vue et choses comme ça? Est-ce que vous avez d'autres pistes éventuellement? La piste qu'on a, c'est Alors je vais pas vous parler de ma théorie. Enfin, je vais pas parler de ma théorie parce que là, sinon, on va y passer la nuit. Mais je pense véritablement que la question d'un phénomène de type exotique, je parle bien exotique, hein, je parle phénomène non humain. Hein, on va écarter la question extraterrestre. phénomène non humain, par rapport à ce qui a été là modélisé sur les différents rapports qu'on a et les différentes prospectives qu'on a écrites d'ailleurs, par exemple à l'université de Harvard, hein, voilà, donc tout à fait sérieux. Et donc je pense que personnellement, on est nettement loin, nettement très très loin de l'image pop culturelle que l'on se fait de l'OVNI, c'est-à-dire de l'objet avec les petits bonhommes à l'intérieur, etc. Et ça va en corrélation à ce que je disais tout à l'heure concernant ce paquet de cibles. Personnellement, il est possible que le phénomène du fait son côté multiforme, hein, protéiforme, polymorphe et protéiforme, semble en tout cas bien s'éloigner d'une intervention. C'est une intervention, c'est une manifestation, mais semble s'éloigner d'une intervention d'une civilisation quelconque. Ça semble quand même un phénomène qui est là depuis longtemps, parce qu'on parle de phénomène de... Là, je parlais des premières enquêtes en 1943, et la première enquête médiatique, c'est celle de 1947, sauf que nous avons des cas qui sont bien antérieurs à ces périodes, la période pré-arnoldienne, hein, c'est ce qu'on appelle, hein, Kenneth Arnold. Donc, il y a, à mon avis personnel sur la question, c'est que d'après ce que j'ai pu faire moi comme enquête sur le terrain, puisque j'étais enquêteur de terrain, d'après les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, d'après tout ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai modélisé moi-même, puisque je travaille sur une modélisation, je pense que nous avons affaire en tout cas à un fait, à une manifestation, qui a à mon avis des interactions avec la conscience humaine, avec des éléments environnementaux, qui est une structure sur la matière, qui est un contrôle de sa propre matière. Et je ne suis pas loin des clés qu'a donné cette doctorante tout récemment en sciences régionales sur l'idée que ça peut être des sortes de sondes en fait mues par l'intelligence artificielle qui en fait sont là depuis extrêmement longtemps. Mais est-ce que c'est extraterrestre ou pas, je peux pas vous le dire, parce que on peut s'imaginer tellement de choses dans le domaine de la physique quantique, dans la théorie des cordes, etc. Donc on ne peut pas savoir. En plus, on a des cadres, on a des cadres en corrélation qui nous montrent que le phénomène peut disparaître, apparaître, s'éteindre comme une ampoule. C'est quand même assez étrange. On a des cas de polymorphisme qui sont extrêmement étonnants, qui sont rapportés d'ailleurs par des pilotes, donc des changements de forme. Alors, changer de forme, qu'est-ce qui change de forme, là, allez savoir. Donc, effectivement, moi, sur la question, j'ai pas de vérité sur la question. Vous savez, je suis un peu comme le docteur Jacques Vallée, je suis un de ces chercheurs qui ne sait pas ce que sont les ovnis, en fin de compte. Mais on a des pistes, on commence à avoir de plus en plus de pistes par rapport aux travaux qui sont en train d'être faits et qui seront faits prochainement, l'année prochaine et en 2025. On aura peut-être des pistes, des clés pour nous donner peut-être l'idée que c'est peut-être des sondes, mais pas obligatoirement des sondes qui viendraient d'une autre planète. Allez savoir. D'accord, merci. Ben, je vous en prie. Merci. Bah, Dredouille, si tu avais une deuxième question, donc si tu veux, vas-y, enchaîne. C'était si éventuellement vous aviez des sources, des ressources à proposer un petit peu comme dans les, je sais pas si vous avez déjà vu les interviews d'une interview. À la fin, ils demandent du coup trois livres, trois films, je crois, ou trois autres. Si vous aviez des propositions ou même des confrères peut-être à recommander. Bah, des livres personnellement. Si je peux recommander le livre, c'est Phénomènes aérospatiaux non identifiés d'Yves Sillard. C'est un livre collectif. Donc Yves Sillard, ancien directeur général du CNES et ancien directeur général à l'armement. D'ailleurs, qui était président du comité de pilotage. Donc un livre tout à fait sérieux. D'ailleurs, qui parle des cas de Trans-en-Provence et de la Marante, etc. Je recommanderais un autre livre à noter aussi. C'est le livre de John Allen Hynek, Mytho-réalité. Pourquoi ? Parce que ce sont livres de base en fait qu'il faut lire au départ si vous vous intéressez à la question et de l'astronome John Allen Hynek, donc qui avait travaillé justement pour le projet Blue Book et puis même pour les deux autres commissions hein, qu'on en a parlé au début Et puis, il y a aussi un autre livre, c'est Phénomène insolite de l'espace de Jacques Vallée, qui est aussi intéressant, qu'on peut trouver. Alors, c'est pareil, ce sont des livres qu'on peut trouver d'occasion. Alors, je sais qu'il y a des rééditions hein, assez souvent sur ces ouvrages. Sinon, il y a le livre aussi en autre encore, c'est le livre de Leslie King. Donc la journaliste d'ailleurs, c'est elle qui est à l'origine de l'article sur le New York Times en 2017. Un livre de Leslie King, je ne sais plus lequel que c'est, mais je vais vous le dire, son titre. C'est tout à fait intéressant. Elle nous a fait vraiment un livre. Alors, c'est OVNI. Je crois que c'est OVNI, une affaire sérieuse. Voilà, les speaking. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est OVNI, des généraux, l'armée parle. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment intéressant. C'est OVNI, c'est ça. OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels parlent. Leslie King est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement, en fin de compte, aux États-Unis, maintenant. Parce que elle a été, en tant que journaliste, à l'origine de toute cette affaire, en fin de compte. Et s'il y a aujourd'hui autant de pression de la part du Congrès et du Sénat vis-à-vis du département de la défense américain, c'est bien grâce à elle, en fin de compte. Même si, des fois, on peut, par rapport à certaines petites affaires avec l'ATIP et tout, ça peut paraître des fois un peu étrange, mais effectivement, elle est quand même à l'origine de tout ça. Et c'est un livre très sérieux, hein, il est préfacé par le journaliste Stéphane Alix, et il y a une préface de Jean-François Clairvoyant, astronome, et puis il y a un avant-propos de l'ancien chef du cabinet du président Barack Obama. Donc c'est OVNI, des généraux, des pilotes et des officiels parlent. Voilà, ce que je peux vous conseiller. Là, vous aurez des bons ouvrages de base, on va dire des ouvrages de base. Merci. Je vous en prie. Pas de souci. Je vais lire la question de Scarrow Warrior. Donc je vais essayer. Hein. Les bureaux d'investigation des USA ont connu leur apogée pendant la guerre froide. N'est-il pas possible que ce soit simplement dû à la multiplication des prototypes aux USA et à la présence d'avions russes pendant cette guerre froide, que les bureaux d'études de recherche qui étaient financés par le gouvernement avaient juste pour objectif de voir si ou de confirmer si les observations ne correspondaient pas à ces avions russes ou à ces avions américains expérimentaux. Alors effectivement, la question est tout à fait intéressante et d'ailleurs elle confirme un rapport de 1974 de la CIA qui confirme en fait, alors c'est en 1974 ou 76 je crois, un rapport de la CIA en fait qui montre effectivement que les rapports d'OVNI ont été utilisés pour pouvoir cacher effectivement l'utilisation d'appareils expérimentaux. C'est un rapport tout à fait officiel, c'est un rapport qui est déclassifié et on peut effectivement l'utilisation du fait OVNI, ça concerne la CIA en particulier, du fait OVNI pour pouvoir par exemple soit déstabiliser ou soit cacher en fait des tests de prototypes, hein, des prototypes avancés. Effectivement, ça c'est parfaitement authentique. Il y a d'ailleurs un document voilà qui existe, hein, on peut le récupérer hein, sur le site de la CIA. Je crois d'ailleurs, je dois avoir une copie du document. Oui, je l'ai dans mes archives, ça c'est sûr. Mais en 1974, donc voilà, on a toute une série où on a utilisé effectivement le fait OVNI pour cacher des prototypes, etc. Et puis aussi possible l'intrusion d'avions russes en fait dans l'espace aérien américain. Il est possible que certaines affaires, des opérations psychologiques, aient été entreprises par la CIA, qui sont d'ailleurs les champions toutes catégories des psy-ops hein, aux États-Unis. Hein. L'Iran Gate, tellement de choses que la CIA a faites. Il faut s'intéresser à cet organisme. Mais effectivement, oui, c'est on a utilisé effectivement, la CIA a utilisé le fait pour pouvoir, mais ça ne veut pas dire ce que les gens rapportaient, c'était obligatoirement des appareils expérimentaux. Mais effectivement, il est vrai qu'il y a eu des méprises concernant l'utilisation par exemple du F-117 avant la guerre d'Irak. Les premiers prototypes F-117 ont été dessinés, ont pratiquement faits même dans les années 70. Dans les années 70, et le F-117, pendant 20 ans, il a été caché. Et il est possible que dans les années 80, on ait utilisé le F-117 à haute altitude, c'est une forme un peu étrange, hein, le F-117. La CIA poussait certains médias, hein, via des canaux bien spécifiques, à dire que ce sont des ovnis, effectivement. Ce qui ne veut pas dire que tous les ovnis forcément sont des prototypes américains, parce que sinon il y en aurait partout. Mais effectivement, oui, effectivement, ça a été utilisé. C'est tout à fait vrai. Et ça, les ufologues, ils n'aiment pas entendre ça. Hein. Ils n'aiment pas parce que. Mais moi, je suis sur cette position-là parce que je ressors le rapport. Et quand vous lisez le rapport, ça confirme effectivement qu'il y a eu des opérations psychologiques visant à dire qu'il y a des ovnis, alors qu'en fait c'était des tests ou des intrusions de vols soviétiques dans l'espace aérien américain. Merci. Je vais poser une question, moi. Alors je ne l'ai pas écrite, mais. Donc, on avait la NASA jusqu'à maintenant qui nous disait non, nous on voit rien, c'est pas un sujet qui nous intéresse parce que c'est du folklore pour les pans. Et là, cette semaine, on a vos petites momies du Mexique ou du Pérou. On va les étudier. Alors qu'elles sont probablement fausses, hein, c'est pas certifié, mais probablement. Qu'est-ce qui a provoqué cet écart de géant chez la NASA? La NASA, c'est dû en fait tout simplement à la pression politique, tout simplement, et à la pression des crédits qui sont accordés à la NASA et grâce aux sous-commissions de financement. Soit les commissions de sous-financement qui financent en fait une partie des renseignements, l'armée, etc., mais qui financent aussi la NASA. Et cet élan est dû aussi à la publication de rapports publics. Et c'est une pression quand vous donnez de la matière à la population, la population va s'en servir et demande des comptes. Et en fait, c'est tout simplement dû que ce soit des chercheurs, mais aussi le grand public, demandent des comptes parce que l'ensemble de ces organismes est payé par contribuable. Et d'ailleurs, c'est l'argument des sénateurs et des congressmen. C'est-à-dire qu'ils disent, écoutez, il va falloir nous donner des éléments, il va falloir qu'on mette en place des départements pour pouvoir étudier la question, parce que le citoyen paye des organismes avec ses impôts, et qu'il a envie de savoir ce qui se passe, ou du moins il a envie qu'on enquête. Et c'est dû à ça, cet élan est dû à ça depuis quelques années, en fin de compte. Et s'il n'y avait pas eu, et je reviens sur ce qui s'est passé en 2017 avec le New York Times, s'il n'y avait pas eu cette affaire de New York Times, aujourd'hui, vous n'auriez pas de NASA qui ouvre un département d'enquête. Vous n'auriez pas eu ça. Rien, vous n'auriez rien eu. C'est cette affaire qui a commencé, et ça a duré plusieurs années. Et ce qui s'est passé au Mexique, le Mexique devait faire donc une audience tout à fait, on va dire, honorable au sein du Congrès mexicain. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait rentrer un. Alors moi, c'est mon avis personnel. Ils ont fait rentrer un charlatan qui était déjà connu pour ses faux. Hein. C'est quelqu'un qui a une très mauvaise réputation. Et d'ailleurs, je parlais avec des Mexicains qui expliquait, qui souhaitait que Monsieur Mossad change de nationalité. Parce qu'en fait, ils sont un peu fatigués de ce monsieur. Et malheureusement, on peut penser aussi que cette affaire de momie, par exemple, avec la NASA, cette affaire de momie au Mexique, pourtant au Mexique, ressemble pour certains, j'en ai discuté avec quelques Américains comme ça sur les réseaux sociaux, ils pensent que ça fait vraiment penser à une opération de décrédibilisation. Parce que tous les médias dans cette farce mexicaine, tous les médias se sont concentrés sur ces momies alors que la véritable audience était très sérieuse. Moi, j'ai écouté l'audience. Il y avait même un Français, un ancien du GIPAN, Michael Vaillant, qui était présent pour présenter en fait les travaux du GIPAN. Et c'était absolument sérieux, c'était concret. C'était à la fois factuel, scientifique, etc., informatif. Et il y a eu cette farce. Et les médias se sont emparés uniquement de cette farce. Donc, on a cru à un moment qu'effectivement la NASA allait prendre, allait faire un pas en arrière à cause de cet événement qui a été malheureusement médiatique, on va dire ça comme ça. Mais ils ont continué, Bill Nelson, le président de la NASA, a continué sa bonne démarche et a continué à communiquer sur la question de la meilleure manière possible. Donc, voilà ce qu'on peut en dire en fait. Mais la NASA se débrouille très bien. Moi, je trouve qu'ils se sont plutôt bien débrouillés. Bon, après, effectivement, d'un point de vue de la crédibilité de ce qui s'est passé au Mexique, c'est clair, l'image que ça donne, c'est une image déplorable. Et effectivement, c'est sûr que ça altère un petit peu les données, mais bon, c'est des choses qui arrivent. En ufologie, c'est ça. Hein. Ben, là, ça fait 2 heures. Je vais lui dire merci beaucoup. Puis merci à tous pour cet échange. Ufologie dynamique, si tu veux revenir, évidemment, t'es le bienvenu. Oui, là, je vais couper l'enregistrement et puis je vous invite tous à partager entre vous si vous voulez ou à échanger sur des hypothèses ou des informations que vous avez entre vous. Merci encore et puis excellente soirée à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.